Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Véronique Mire viendra combler notre manque de connaissances générales en ouvrant les pages de sa Véronicopédie. Et David Perron se contentera de ses 16 pages en feuilletant celles du récent numéro du journal Zone Campus. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky en ce mardi 31 janvier 2017, à 86 jours de la fin de l'année scolaire. On est en direct des studios de 6 fois 3 Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Salut Tania, ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va, oui. Ça va fatiguer ce mardi matin. On a un peu dormi chacun de notre bord, comme on dit tout le temps. Hein? Exactement. C'est ça. On se demande bien pourquoi. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça va comme un cerveau qui va pas vite à partir. Est-ce que on se demande bien pourquoi? C'était par rapport à vu qu'on est séparés. On se demandait pourquoi qu'on est séparés. Oui, oui, exactement. Parce que tout le monde pense que Mathieu et moi, on a une vie commune tout le temps. T'sais. Ça a tout le temps été comme ça avec mes co-animatrices, mais jamais avec mes chroniqueuses, Véronique Mire. T'as pas eu ces rumeurs-là, toi? Ben non. Non, c'est ça. Hey, j'en apprends une bonne à Mathieu. Hey, ça va bien parce qu'on est pas ensemble. Hey! Seulement celle avec qui je passe 11-12 heures de radio par semaine minimum, plus le travail. Exact. Mmh. Voilà. Bref, bienvenue à vous deux. Parlons de l'émission d'aujourd'hui. Plus tard, on va avoir David Ferron avec la chronique du journal Zone Campus, le journal qui sort aujourd'hui, ce matin. C'est le numéro 8 de notre volume 12, si je crois. Si oui, je crois c'est bien dire. Donc, on va parler avec lui vers les 8h30. Ta chronique s'en vient plus tard. Tania Esgonin-Tretania, quoi de neuf? Je vais vous parler de la SAQ. Plus précisément, qu'est-ce qui se passe avec la SAQ? Les vins, l'alcool. Oui, les vins et l'alcool. La force. En ce si peu de jours avant le 28 jours de février sans alcool. Est-ce que ça veut dire que tu vas clencher ça ou bien tu vas boire le plus possible avant le premier? Ben non, mais je peux pas faire ça. Il me reste 24 heures pour faire ça. Moins de 24 heures. Moins de 24 heures. Ça va être difficile, hein? Ah, ben non, on va réussir. C'est pas bien. Tout le monde a l'air de dire que je vais échouer dès la deuxième journée. Ben, tu bois plus que moi, mettons. Moi, c'est facile, j'ai pas bu probablement depuis Noël. Moi non plus. Oh! Mensonge! Oh! T'es talent! Ouais, c'est comme ça. Bref, tout ça à venir plus tard et bien d'autres choses probablement, mais avant ça, je l'ai présenté, vous l'avez entendu, c'est Véronique Mire, elle est avec nous pour sa chronique. Voici la Véroniclopédie! Faut se mettre dedans. Ah ben oui. Salut Véronique Mire! Hey, salut! Ça me donne tellement envie de rire, cette chanson-là. Ah, je sais, c'est le fun. Ça met dans une ambiance particulière. Moi, je trouve que ça donne automatiquement l'envie d'être en vacances et non pas d'être au bureau. Pina colada! Ouais! Donc, deuxième édition de la Véroniclopédie. Pour ceux qui ont manqué le premier numéro, on est rendu dans un ordre non alphabétique. Ouais! Dans un ordre approximatif. Mmh. Hein? Donc c'est des curiosités, là, des trucs intéressants, de tout genre. On aime ça, on explore, on se renseigne avec toi. Eh oui, ben, on essaie. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je vais vous parler de entre républicains et démocrates, qui sont les plus heureux, hein, fait qu'on suit la vague orange. Ouais. Je vais vous parler de nuit blanche, je vais vous parler de chocolat. Et une petite bataille épique entre chien et chat. Intéressant. Hey. Par quoi est-ce qu'on commence? On commence par qui sont les plus heureux entre les républicains et les démocrates? De façon générale, mettons, là, pas mettons... contextuel à ce qui vient de se passer. Parce qu'on pourrait dire que les républicains, des fois, sont un petit peu genre peut-être ignorants de ce qui est le bon sens. Ouais. Ils vivent et bien c'est heureux. Mais ce serait méchant de dire ça. Juste un peu. Mais, ils ont élu la personne dont on a parlé. C'est ça. Monsieur Cheetos. Cheetos, Ouais, j'irai pour eux. Ah, bon. Les républicains, eh bien, vous avez raison. Yes! Effectivement. Donc, il y a un sondage quand même qui remonte, mais qui est toujours d'actualité puisque les résultats sont toujours vrais. En 2006, l'Institut de sondage Pew... Pew. P-E-W. C'est comme des guns de laser. Puis ça existe vraiment, là. C'est la Pew Research Center, qui est un organisme aux États-Unis qui fait des sondages de tout genre, surtout qui n'est pas partisan, donc aucun parti pris. Et Pew, d'ailleurs, ça n'est pas un acronyme, j'ai cherché longtemps de toutes les façons. C'est un nom de famille, imaginez-vous, vous appelez Pew. Monsieur Pew. Donc je sais pas si je suis plus contente de savoir que c'est un nom de famille qu'un acronyme, mais bon. Je pourrais m'appeler Matthew Pew. Peut-être. Mais ça fait bizarre comme c'est Mathieu Pew, genre. Ouais, c'est pas super une bonne idée. Donc, ils ont fait le sondage en 2006 pour savoir, par curiosité, qui étaient les plus heureux. Et 47 % des républicains étaient très heureux contre 28 % c'est grâce des à Dieu. Démocrates. Ben, vous avez nommé une couple de raisons quand même qui sont ressorties beaucoup là, des suites de ça, des observations qu'ils ont fait. Donc, eux-mêmes ont parlé plutôt de caractéristiques socio-économiques pour commencer. Donc, que souvent les républicains ont des plus gros revenus, sont souvent plus riches. D'où leur opinion républicaine où on devrait moins taxer les riches. Ça va de soi, tu sais, quand même. Pourquoi donc leur taper sur la tête? Puis, ils comptent aussi plus de personnes qui sont mariées, justement, parce qu'ils sont plus religieux. Ouais. Et on dit que pour être heureux, il faut croire en quelque chose. Ben oui, c'est sinon, t'as pas de morale, partout. Tu commences à tuer tout le monde dans ce temps-là. Ouais, mais bon. Quand tu parles de référence à tuer. Ouais, c'était pas une bonne référence. C'est ce qu'ils disent tout le temps, les républicains, que si t'as pas Dieu, comment est-ce que tu vas faire pour savoir ce que t'as le droit de faire et de pas faire? Ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qui est ridicule, c'est ça. Ouais. Donc, terrain un peu. Je continue. Je m'embarque en sortant de sans problème. Ensuite, il y a une autre étude encore en 2006 de Kruglansky. Ils ont toujours des noms, là. Kruglansky, Piero Manetti et Degrada, encore en 2006, qui, eux, ont plutôt vu que c'était lié à la personnalité. Donc là, je dis vraiment que ça vient d'une étude, d'accord? Mm-hmm. Alors, selon eux, les républicains préfèrent généralement les choses simples et se posent peu de questions sur le sens de la vie. Simple d'esprit. Donc, c'est un peu ce que vous avez dit là, tantôt. Alors que les démocrates ont tendance à se livrer plus à des débats intérieurs, se poser toutes sortes de questions plus complexes, ce qui peut souvent mener à des remises en question plus déprimantes, si c'est on ça. Veut. C'est l'élite intellectuelle, les démocrates, pour eux. Un peu plus. Mais ce qui serait plus plausible, c'est la croyance dans un monde qui est juste. Alors, le désir de vivre dans un monde juste serait propre à la majorité des êtres humains. Hein? Bon, on aimerait ça vivre dans un monde où tout le monde a accès aux mêmes choses, où on a le droit de penser ce qu'on veut, du moment où c'est respectueux pour les autres, qu'on est libre et tout ça. Donc, ça serait une composante importante du bien-être. Et d'ailleurs, une autre recherche de Jamie Napier et John Jost en 2008. Ça, c'est viril comme nom, hein? John Jost. Quand même, hein? Dit que, justement, les républicains qui ont tendance à pas nécessairement penser en termes de ce qui est juste et injuste fonctionnent plutôt sur un mode méritocratique. Oui, c'est ça. C'est vraiment, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ou quand on veut, on peut, là, eux autres, c'est ça qu'ils pensent. Ils ont travaillé fort, eux autres, pour leur argent. Ben, quand même, hein? Tu sais, c'est pas les une autres, question d'héritage ou de lignée familiale, pas du tout. Ou de petit prêt $1 million, je sais pas trop quoi pour demain. C'est ça. Donc, il y aurait tendance à considérer que la position sociale et économique est le fruit des actions individuelles et non le résultat de justice ou injustice sociale. Il serait moins prompt à constater les inégalités, alors que les démocrates, eux, sont plus sensibles à ça. Il y aurait donc moins tendance à trouver facilement le bonheur parce qu'ils voient tout ce qui ne marche pas dans le monde et tout ça. C'est ça. Ils sont là pour mettre les autres avant eux-mêmes. Ouais. Ce qui est, dans le fond... bonne chose. Ben oui, c'est ça. L'altruisme. Voilà. Et ce n'est pas que typique aux Américains, hein, parce que droite-gauche, là, il y en a dans tous les régimes politiques, donc c'est transposable ailleurs. Ce qu'on a remarqué depuis, hein, parce que le sondage initial dont je vous parlais tantôt de la Pew Research Center remontait à 2006, depuis ça n'a fait que dégrader du côté des démocrates malgré l'élection de Barack Obama. Donc, c'est quand même assez étonnant. Mmh. Là, j'imagine que l'année où il a été élu, il y a eu peut-être une hausse, mais ensuite, ça a dû rebaisser parce qu'on n'est jamais content. Ben non. C'est surtout ça. Donc voilà, pour le bonheur des uns et des autres, républicains win. C'est intéressant. Je pense qu'on on comprend ce que ça veut dire être républicain et démocrate de nos jours. C'est quelque chose. Ouais. Hey, cette espèce de sourire toujours, naïf qu'ils ont au visage. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Alors, passons au sujet suivant. Pourquoi dit-on nuit blanche? Hey, ça fait avec votre état d'esprit de ce matin. Combien de total d'heures ce. Mais une nuit blanche, c'est pas censé être. Pas tu dors pas du tout. Ouais, c'est okay. ça. C'est pas ça que vous avez fait, mais bon. Non, on l'a tous essayé au moins quelques fois dans sa vie et on a réussi à passer au travers à moitié. C'est quand même bon, cette nuit, un bon 4 heures. J'ai pas mal ça aussi. Ouais, c'est bien. On aime ça. Ça fait longtemps, moi. Ouais. Quand j'étudiais, mettons, là, je faisais ça les nuits blanches, là, mais maudit que c'était dur. Il y en avait qui testaient leurs limites. Je sais pas si vous avez ouais, connu du monde de même. Tout à par atteindre un mur vers les 10-11 ans. Ben, ou même essayer plusieurs jours en ligne. Oui, ça, j'ai déjà fait ça. Deux, trois jours, pas de sommeil. Là. C'est surtout en vacances, décalage d'horaire. Ouais. Là, tu réalises pas trop, il est quelle heure. Ouais. Tu fais plein de choses bien divertissantes. Là, ouais, nuit blanche, est-ce que c'est raciste? Est-ce que ça a rapport avec les esclaves? Je sais pas. Non, pas du tout. Quoi. Ben, ça c'est la blancheur des étoiles. Ah, peut-être, oui. La blancheur des étoiles. Ben, c'est des hypothèses intéressantes, mais ça ne fait pas partie des trois hypothèses... qui sont, si on veut, les plus plausibles. Mm-hmm. Alors, ensuite, vous pourrez choisir laquelle vous plaît le plus. Okay. La première, ben, on en peut, c'est sûr, la couleur blanche par opposition au sombre, au noir, à la nuit. Donc, le fait qu'on sait que quand on veut dormir, normalement, on devrait tomber dans les bras de Morphée. Par contraste, une nuit où on dort pas serait blanche pour exprimer le manque de quelque chose, comme un examen blanc, mm-hmm. un examen qui compte pas, un ou blanc tiré de à blanc, mm-hmm. un blanc de mémoire. Donc, c'est la première hypothèse. Est assez ordinaire. Ouais, facile, mais en même temps, assez salabre. Ouais, elle est platounette un peu. La deuxième hypothèse nous amène plutôt du côté des chevaliers. Non, hein? Déjà, c'est un peu plus intéressant. Donc, un rythme moyenâgeux, c'était bien dit. Moyenâgeux concernait les chevaliers en devenir la veille de leur adoubement. les futurs chevaliers recevaient une tunique blanche qu'ils devaient porter là, toute la nuit, qui symbolisait la pureté, la clarté d'esprit, mais aussi la modestie. Il n'y avait pas le droit de boire, ni de manger, ni de dormir, et que devait-il faire toute la nuit? Prier. Donc, ce qu'on fait tous lors d'une nuit blanche, voyons. Sinon, comment est-ce qu'on va savoir qu'il ne faut pas tuer personne? Exactement. Hein? Donc, c'est de là que Nuit Blanche serait née. C'est la deuxième hypothèse. La troisième nous amène d'un côté plus festif. Oh. Alors là, aux soirées royales de Saint-Pétersbourg du 18e siècle, les fêtes battaient leur plein. L'été, il faisait beaucoup, beaucoup de fêtes. Saint-Pétersbourg, comme on appelle les Français. C'est bon, ça! Faut que tu notes ça quelque part. Okay. mais à cause de leur positionnement géographique ou surtout de la latitude, l'été, le soleil se couchait presque pas. Donc, ça faisait qu'il y avait c'était des nuits claires. Mm-hmm. Donc, les Français qui ont assisté à ces nuits-là ou à ces fêtes-là ont donné le nom de Nuit Blanche. Ça a du sens, ça aurait pu avoir rapport avec... C'est quoi, c'est au Yukon? Des nuits de 6 mois, puis je sais pas quoi. Ah oui. Oui, bien, qu'est-ce qui est au nord, les latitudes. Ouais. Ça a du sens. Ouais. Ça, c'est... Fait que c'est les trois hypothèses. Une plus terre-à-terre, une plus chevaleresque et une plus festive. C'est sûrement la première. Ah. Non? Ça se pourrait bien. Ouais. Moi, je vote 1 et 3. Ah, ben là, deux réponses. Là, ben là, ça dépend de ce que tu fais de... Tu penses-tu vraiment ta nuit blanche à prier, toi? Rarement. Bon. Ouais. Donc, voilà pour la nuit blanche. Avant d'aller en musique, j'aime bien ça maintenant, les fast facts. Oui, c'est vrai. Fast facts. Fast facts numéro 1. Alors, je sais pas pourquoi celui-là m'a accroché, mais bon. Le saviez-vous qu'il ne faut que 35 jours à la souris pour atteindre sa maturité sexuelle adulte? C'est pas mal moins que certains hommes que je connais. 35 jours, de naissance, là. C'est pas long, là. Non. C'est Bing vraiment bang, pas long. Hein? Il y en a qui, à 35 ans, l'ont pas encore atteint. Elle parle pas de moi, là, puis elle sait pas. Mais non. Non, c'est ça qu'il y en a saurait pas de toute façon. Il y en a tant dans une cage, tu sais. Ça va vite, c'est ça. Ah, c'est vrai. C'est ça qu'ils font dans le roux. Oh boy. L'escargot vit en moyenne 6 ans. Juste ça? Hein? Ben, c'est quand même pas pire, non? Je pensais qu'il y avait une durée de vie pas mal plus longue. Ben, plus courte quand tu mets du petit fromage gratiné dessus. Oui, mais là, t'es pas censé faire la chasse à l'escargot. Ben, en tout cas. Avec une lance de bloc Lego. Puis les autres, leur maturité sexuelle, si on veut pouvoir en faire plusieurs pour qu'ils copulent, puis faire des escargots gratinés. Faut que tu ailles à 6 ans. Ah, OK. Bon, j'ai le temps. Ouais. Ben, ça doit venir vite parce que, tu sais, ils vivent juste 6 ans. Ouais. C'est encore drôle, c'est des escargots. Ils viennent ratatiner. J'avoue. Ah, voyons. Le choix du terme n'était peut-être pas le bon. Venez, franchement. Puis fast ou medium fact, parce que celui-là est un petit peu plus long. Le président Franklin Delano Roosevelt était un fervent amateur de poker. Oh. Donc, pendant les années 1933 à 1944, il a donné à la radio ce qu'on appelait des fireside chats. Donc, c'était des émissions de radio le soir, un peu cosy. Ouais. Là, il était sur le bord d'un foyer. Avec là, un cigare. Avec le feu et tout ça. Puis, il était très, très charismatique, puis il s'exprimait vraiment bien. Simplement, les gens comprenaient bien. Il rejoignait les gens. Fait que pendant ces années-là où ça allait mal, lui, il expliquait toutes sortes de choses pour que les gens comprennent bien ce qui se passait. Les fonds d'aide d'urgence des banques qui ont été mis en place, la récession, qu'est-ce qui se passait avec ça, la guerre, tu sais, pour ça, pour être sûr que c'était vrai, là, tu sais, que tout ce qui se passait là. Oui, alors, sortez chez vous, ça se tire pour vrai. Il en a profité pour faire taire plusieurs rumeurs, expliquer ses politiques et tout ça. Mais je vous ramène, là, c'était pour vous expliquer c'était quoi les fireside chats. Bien, c'est un fervent amateur de poker et pendant une de ses fireside chat-là, il venait tout juste de sortir d'une partie de poker qui avait été particulièrement difficile, puis il y avait des chips de poker avec lui. Puis tout le long qu'il faisait son émission, il était plus ou moins présent, puis il brassait ses chips de poker et on n'a presque rien entendu de cette émission parce que c'était ça. Mais est-ce vrai? Hein? Ça, c'est bon. Ça fait tellement longtemps. Hey, ouais, mais ouais, c'est quand même croustillant. Ouais. C'est sûr que les archives de ça, c'est faut chercher, faut chercher. Croustillant chip. Ah, tu sais, justement, FDR avait des dettes apparemment à cause de son poker, donc on écoute Jesse Brown. Voici Debt We Ain't Got No Money. Assemblage requis sur ses fous. We'll be right back. Jesse Brown, we ain't got no money. La pièce dette. Avec en parenthèse ce que je viens de dire. Ben oui, c'était parfait. Ben oui, ben dis de même. Hein. Donc, toujours à Assemblage Requin, toujours avec Véronique Mire et sa chronique de la Véroniclopédie. Yeah! On apprend à dire tranquillement, pas vite, avec nos exercices. Ben, je trouve que t'es très bon. Merci, ouais. Toi aussi, Karine. Jusqu'à maintenant, on a parlé de Franklin Delano Roosevelt, on a parlé de Nuit Blanche. Républicain. Républicain. Je sais qu'il nous reste les chats et les chiens qui s'en viennent. Ouais. Mais je pense qu'on parle de chocolat si tu regardes la feuille. Oui, on parle. Faut pas que tu regardes la feuille. Excuse-moi. T'es normal, c'est pas. Elle l'a dit tantôt, là. Ouais. Oui, oui, mais quand même. Oui, parlons de cauchemars, de chocolat. Alors, bien sûr, historique du chocolat, c'est toujours plus ça qui m'intéresse que les statistiques actuelles, puisque ça, on les voit toutes partout. Ben oui. Par contre, c'est toujours très intéressant, la Saint-Valentin, chaque fois qu'il en parle, moi, j'écoute pareil. Hey, c'est pas le temps du genre à vouloir recevoir du chocolat à Saint-Valentin. Non, mais tu sais, l'espèce de... Que, lesquelles marques sont les plus populaires. Ouais, c'est vrai, okay, ouais, des affaires ouais. De même, là, c'est toujours le fun à entendre. Ferrero. Ouais, moi, j'aime mieux les fleurs que le chocolat. Ouais. Ouais. Ouais. Ou juste pas de cadeau au point. Ben voyons, t'es dans bien à part des Traction Aid, là. Des Traction Aid, on se rappelle qu'elle va avoir ça pour la Saint-Valentin. Exactement. Ouais. Ou, ce que j'aime bien aussi, c'est les toutous sur la porte. Ah, oh, que c'est cool. Ah, moi, j'aime tellement les toutous, là. C'est comme, oh, wow. Ouais, c'est ça. Ben, ça dépend lesquels, tu sais, mais. Ouais. J'avais déjà reçu au primaire. I choose you. Ah non, j'avais reçu un bibelot, là. Mais qu'est-ce? C'est comme deux cigognes qui s'entrelaçaient, puis ça formait un cœur. Puis je l'ai même pas gardé. Oh non. Je suis arrivée chez moi, puis je l'ai donné. Aïe, aïe. Cette personne-là est-elle dans ta vie encore? N'est plus dans ma vie, non, du tout. Ouais. Et ben, fait que je vais jeter mon bibelot à cigogne, non? Oups, malaise. Ben non, donc chocolat, hein? Alors, ben le chocolat ou la fève de cacao est originaire du Mexique. Ça fit avec la toune hein, qu'on entend. C'est vrai. Ben oui. En arrière-fond. Alors, c'est vieux de plus de 3000 ans. Les Olmecs, les Mayas, les Aztèques considéraient que c'était un aliment des dieux. Pour eux, c'était une monnaie d'échange. Ils s'en servaient comme monnaie d'échange, pourquoi pas. Et quand Christophe Colomb est arrivé dans ce coin-là, il a goûté à la boisson qui lui a été offerte probablement dans une... parce qu'ils avaient tout un cérémonial là, pour servir ça. Mmh. Donc, dans une tasse d'or en fin de repas. Et c'était accompagné de... Ils appelaient ça des tubes à fumer le tabac. Ah, OK. Bon. Donc, il y a des genres de chicha, là, j'imagine. C'est quoi ça, puis c'était, c'était comme un chocolat chaud? Non, c'était froid. Ah, OK. Ah, ouais. Mais dans une tasse. Un lait au chocolat. OK. C'est ça, exactement. Un Vico. L'ancêtre du Vico. Donc, ça a séduit les colons espagnols qui voulaient, eux, boire du chocolat, mais eux le préféraient chaud et avec du sucre pour qu'il soit moins amer. Ouais. Donc, en provenance de Veracruz, les premières fèves arrivent officiellement à Séville en 1585. Et à la cour d'Espagne, ben, c'est une boisson qu'on offre à tous les invités. Donc, c'est très mal vu de refuser le chocolat, mais quand même, c'est tellement bon que de toute façon, les gens le refusent très rarement. On le mélange avec du piment, de la poudre de rose, de la cannelle, de la vanille, des amandes, de l'ambre et un peu plus étrange, du musc. Hein? Hein? L'odeur bizarre que... Ben, je suis comme pas sûre, vraiment. Je me suis dit, ben... C'est-tu le parfum, tu sais? C'est comme... Ouais. Ça doit être, à l'origine, j'imagine, une plante. C'est peut-être autre chose, un bois. C'est non, c'est... Bois, hein, normalement, non? Est-ce que j'ai l'article en français? Oui. Bon. Une matière première animale entrant dans la composition des parfums. Il est extrait des glandes abdominales des cerfs porte-musques d'Asie centrale. Bon, c'est donc, vraiment dégoûtant. On est loin du bois, hein? C'est pas ça que je pensais. Donc, tout comme les Aztèques, les Espagnols le font mousser et lui ajoutent du sucre. Puis, on dit que c'est un guérisseur universel, le chocolat. C'est-tu plate? Ah, c'est vrai, ça, par exemple. Un carré par jour. Quand même. T'as mal au ventre. Le docteur pour toujours. T'as mal au ventre, prends du chocolat. T'es stressé, prends du chocolat. T'es sexuel, va pas bien, prends du chocolat. Faut juste pas prendre les petits œufs Oreo ou genre des trucs comme ça. Il faut prendre du chocolat. Non. Ah ouais, ça change la morphologie. C'est comme bon, on dit. Les œufs Oreo. Orléo. Orléo. Bon, toutes ces. Ça doit être Orléans, Oreo. Orléo DiCaprio. Donc, c'est les Espagnols en premier qui se sont appropriés, si on veut, ou qui sont tombés amoureux du chocolat, qui a été transposé en France dans la seconde moitié du 17e siècle. Parce que Louis XIV s'est marié avec une infante espagnole. Ah. Donc là, évidemment, le chocolat a suivi. Et là, on lui prête toutes sortes de vertus thérapeutiques. Puis sa femme adorait le chocolat parce que chez elle, c'était normal. Puis lui disait, non, non, non, c'est pas correct de boire du chocolat, mais le tannant, le coquin, en buvait en catimini. Ah, ben oui. Bien sûr, c'est toujours comme ça. Ah, pas fin. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, en 1698, il rajoute du lait dans le chocolat qu'il n'y avait pas avant. Parfois même des œufs pour qu'ils moussent mieux. Ah, tu vois, on a parlé de ça hier dans du café, de mettre des œufs pour enlever le côté amer un peu. Ça devient plus crémeux, plus soyeux. Et plus consistant, voilà, j'imagine. Voilà, c'est spécial, ça. Quand ton café devient ton déjeuner. Ben oui. Pourquoi pas? Je vais prendre mon café brouillé, s'il te plaît. Les Anglais des Antilles, ils ajoutent du vin de Madère. Quand même. Et le marquis de Sade est sans nul doute le plus grand chocolatoman du 18e siècle. Alors, lui, ça allait pas... Tu sais, il était tellement de polémique et compagnie qu'il a plutôt vécu en prison. Hein? C'est beaucoup une grosse partie de sa vie en prison. Alors, sa femme était chargée de lui faire parvenir dans les différentes prisons qu'il a fréquentées, du chocolat en pastille, vanillé au chocolat ou des biscuits de Savoie glacés fourrés au chocolat. Hey, je resterai en prison pour avoir ça, moi. C'était un fan, un vrai fan. Il faut attendre 1828 et l'invention par Van Houten de la poudre de cacao pour que le chocolat devienne accessible un petit peu partout dans le monde. La première tablette industrielle a été faite en Angleterre, à Bristol, en 1847. Et le chocolat au lait a été inventé par Daniel Peter en 1875, qui a eu l'idée d'ajouter au beurre de cacao du lait en poudre inventé par Henri Nestlé. Ah, ben oui! C'est quelque chose, lui! Hein? Fait qu'automatiquement, Nestlé gagne sur toutes les autres. Absolument. Au-dessus de Cadbury. Non, en fait, je pense que je préfère Cadbury. Je sais pas. Faut le Lind, que tu moi, j'aime beaucoup le Lind. Ouais. Ah ouais, j'avoue. Mais Ferrero au-dessus de Lind. Le Rassecor. Oui. Ah, leur boisson au chocolat. Oui, c'est vrai, le alcoolisé. Hey, chocolat chaud avec crème de menthe. Moi, j'ai vu ça une couple de fois, ça, pendant les vacances. J'avoue. Chocolat chaud et crème de menthe. J'ai acheté des... Tu vois, j'y avais jamais pensé. Maintenant qu'on me le dit, c'est excellent, la menthe. Tu peux pas faire les 28 jours. Avez-vous aussi les Carnation chocolat chaud After Eight? Oui, j'avoue. C'est excellent. Ah oui. Mais des After Eight, tellement bon. Je sais, on pourra en parler longtemps. Donc voilà pour le chocolat. Yep. On pourra en reparler parce que, savez-vous que ma prochaine fois... Je vais pas terminer. Est-ce que tu me cales encore deux encore. Minutes? Oui. La prochaine fois que j'en ai, là, on va être la Saint-Valentin. Je checkais ça, je me disais, Colin. Fait que je vais penser à mon affaire, en tout cas. Ben oui, t'as raison. 14 février. Quand même. Je vous ai parlé tantôt que je parlerais d'une bataille épique entre chiens et chats. Oui, hein, donc là, je peux pas vous en parler. Alors... Ça va être des questions pour savoir lequel entre le chien et le chat est le meilleur. Le chien. Ben, qui, du chien ou du chat, lequel a le sens olfactif, l'odorat le plus développé? Le chien. Parce que clairement, on n'utilise pas des chats pour retrouver des gens. Le chat, tu te regardes. Ça serait vraiment drôle. Aïe, aïe, aïe. Oui, ben c'est le chien. Hein? Yes. Donc, il y a le museau le plus allongé, le chat, le museau le plus plat. Au niveau des cellules olfactives, j'avais comme l'impression que c'était olfactive, mais non, pas partout. Qu'est-ce que tu dis là, Véronique? Donc, le nez du chat a 200 millions de récepteurs d'odeur. C'est quand même pas rien. Quand même, pas pire. Mais le chien, il y en a 300 millions. Oui. 100 millions de plus. Puis nous, on en a 5 millions. Fait qu'on a vraiment besoin des chiens pour nous aider. Je comprends ça, c'est quand mon nez n'est pas bouché. Non, mais t'imagines, tu sais, quand nous, on dit que ça sent bon, là, les chiens, c'est comme si... Ils trippent bien raide. 200 fois 1000 points. Ah, yoyoy, ouais. Ils peuvent bien se rouler à terre tout le temps. C'est ça. On rappelle de ne pas donner de chocolat, même si ça sent super bon à votre chien. Non, c'est toxique, hein. Faut faire, Les raisins aussi, d'ailleurs. Ah oui, Mais le beurre de pin, vous fait. Ça, c'est drôle. Ça les fait parler aussi, comme dans l'émission, ils faisaient parler des chevaux avec du beurre de pin. Ben, il y a des vétérinaires qui utilisent le beurre de pinot pour faire manger des médicaments aux chiens. C'est vrai. Ou certains animaux. Ils n'ont pas le choix de le garder dans leur bouche, ça colle. C'est ça. Les gens ne sont pas vegan, ces chiens-là. Ils ne savent pas. Ils savent pas. Qui est venu, ou en tout cas, lequel a été domestiqué en premier? Moi, je vais dire les chats. Ouais, moi aussi, je dirais les chats à cause de Cléopâtre. Ils sont plus cute. Ben, étonnamment, c'est les chiens. Ben, moi aussi, je pensais que c'était les chats. Quoi? Les archéologues ont trouvé des preuves qui remonteraient à il y a 30 000 ans. Par contre, les chercheurs ont comme un peu baissé la barre, là, parce qu'ils disaient, mais on n'est pas sûr c'est quoi exactement. Donc, on parlerait de 16 000 ans. Alors que les chats, eux, c'est il y a 10 000 ans. qui ont été domestiqués par les fermiers. Jésus, là, c'était vraiment... On va remettre ça au clair. Non, mais c'est bon ce que tu dis là, parce que j'avais une info d'ailleurs à ce sujet. Pour les religieux qui nous écouteraient, la Bible contient 32 références aux chiens et aucune aux chats. Hein? Ouais. Pour ça, je les aime pas. Hein? OK. Hein? Oh, Mathieu, tu dois croire en quelque chose. Sinon tu vas en train de tirer tout le monde. Okay. C'est trop tôt, Mathieu. I'm sorry. Attends quelques jours. Ouais. On est dit pour une réponse chat, fait que je vais répondre chat avant même que tu dises ta question. Ah, ben, qui comprend le plus de mots ou de signes? Ah, c'est chien, maudit. De le chien. Le chien, oui, c'est le chien. Hein? Donc, un chien est capable d'apprendre 165 mots, y compris des signaux et les gestes. Okay. Surtout les gestes disant bébelle ou gâterie là-bas. C'est les chiens Mira, là. Il faut qu'ils en apprennent vraiment beaucoup. Beaucoup de mots, mais il y a Chaser, la Border Collie. Je sais pas. Qui connaît 1022 mots. Ouh. Et il y a un livre d'ailleurs, Chaser, It's Time to Move Your Relationship Beyond Fetch. Wow. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet. Ça doit être le chien à César, l'homme César. Qui parle au chien. Peut-être. Les chats sont capables quand même d'en apprendre beaucoup, mais il y a un chercheur, Adam Miklosi, de l'université Eötvös Loránd, donc lui, c'est pas son nom, là, c'est l'université qui n'est pas prononçable, en Hongrie, qui, comme si on veut, dit que les chats pourraient apprendre, ce serait un exploit. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont souvent ni accommodants ni motivés. C'est ça, on a tous vu des... Les chats ont tout le temps tous l'air de s'en foutre. Ouais, on voit des fois les dog shows là, où les chiens font des tours. Il y a aussi des cat shows, puis les chats, c'est comme ils font rien. C'est sûr. Puis tu le traînes quasiment par la queue. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, c'est la suite logique. Là, j'ai pas de questions pour le dernier, malheureusement. C'est ça, là, parce que t'as fait chien. Ben, c'est juste chien. Ça veut pas dire que j'aime mieux les chiens. Moi, je suis neutre. Moi, j'aime les deux. Ouais. Clairement, le chien est plus dominant. Au niveau de la résolution de problèmes, hein, parce que tu t'enlignais là-dessus avec les dog shows, ben, les chiens seuls peuvent moins résoudre de problèmes qu'accompagnés. Ça leur prend vraiment un maître ou un humain de confiance mentor. Qui va leur dire quoi faire. Mmh. Un chien tout seul qui ouvrirait une porte, c'est rare, là. Ouais. Ça peut arriver, mais... La scie, il le faisait, lui, dans les musées. Ben oui, c'est ça! Mais oui. Tommy, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en remettent à nous, ils s'en remettent au maître. Puis, ça a un impact, en fait, parce que les chiens auxquels on va montrer des choses, il y a des races de chiens qui sont dites plus intelligentes, là, comme justement le Border Collie en est un. Là, je m'excuse, je le dis pas bien, là, mais... J'ai aucune idée Le collie, qu'est-ce que je dis là? Border Collie! Ah! Oui, c'est ça, Border Collie. Les caniches, toutes les sortes de caniches, les bergers allemands, les Golden Retriever, les Doberman sont les chiens les plus intelligents. Macaulay Culkin aussi. Mais non, lui, clairement... En fait, c'est la drogue. Il a eu dit ça. Il n'y a pas de chien anti-drogue, clairement, parce que sinon, il serait défigué. Ben, il y a peut-être des chats, fait que ça marche pas. Fait que c'est pour ça que... C'est parce qu'il le regarde faire. Donc, en fait, ces chiens-là sont, si on veut, devenus parmi les plus intelligents parce qu'on leur a dit... T'sais, on s'est dit, c'est eux les plus intelligents. Fait qu'on a mis plus de temps à développer l'intelligence de ces chiens-là. Fait qu'à cause de l'évolution, ils sont devenus plus intelligents. Mais si on prenait un Shih Tzu, là, puis qu'on l'entraînait pendant 100 ans, puis qu'on prenait tous les Shih Tzu du monde, puis qu'on les entraînait, ils deviendraient eux autres aussi intelligents. Okay. Donc, c'est plus une question de choix, puis qu'on associe la race à le fait qu'elle est intelligente. Mmh. Ben, clairement, t'associes pas l'intelligence à un Shih Tzu, là. Non, c'est ça. Mais un autre gros chien, ça pourrait être autre chose. J'avoue. Donc, voilà pour ça. On a deux petits fast facts pour finir. Saviez-vous que les plus petites dernières volontés de l'histoire ont été écrites à l'endos d'un timbre? Hey boy! Ouais. C'est pas long comme volonté. Une grosse poutine sauce brune. Ça rentre même ça pas. Ça ressemble peut-être à ça. Accompagné des signatures de témoins et tout ça. Savez-vous qu'il y avait des dauphins roses dans l'Amazone? Cute! Non. Ouais. Il y a des dauphins roses dans l'Amazone. C'est le boto ou dauphin rose de l'Amazone. Inia Geofrancis, qui est un dauphin d'eau douce. Donc, c'est avec l'évolution. Hein. Autrefois, la mer recouvrait l'Amazone. Il y a des dauphins qui s'aventuraient là. Puis quand la mer s'est retirée, ben, les dauphins sont restés là. Donc, ils se sont adaptés à l'eau douce. Et en fait, c'est une illusion d'optique parce que la rivière semble... Orange, rose. Est-ce que tu t'es coupé la main que t'as fait? Que non, c'est je sais pas quoi dans dessous de la chaise. Saigne, merci. Donc, l'eau est de cette couleur-là parce qu'il y a de la vase puis de la végétation décomposée qui donne comme une couleur de thé à l'eau. qui fait que le dauphin a l'air rose, mais quand on le sort de l'eau, il est gris avec des petites taches roses. Ah, OK. Donc, c'est sûr que c'est pas du marketing, genre, c'est comme... C'est Hallmark qui a fait ça. Peut-être. Messieurs, dames, pour la Saint-Valentin, mais c'est le cadeau à acheter. La couleur est belle, mais si vous allez voir, le dauphin, il est comme tout... tout ratatiné bizarre. C'est pas des beaux dauphins. Ben voyons. Fait que c'est assez spécial. Véronique, t'es superficielle. J'aurais jamais pensé ça. Ben là, un dauphin tout ratatiné. Il y a peut-être une belle personnalité. On sait pas. Je suis pas capable de la faire là-dessus. Ah, une belle personnalité. Oui. Ah oui, quand même. Puis c'est ça. Donc, c'est comme une personne âgée ratatinée. Tu peux pas... Tu peux pas les aimer. Oui, ils sont tous roses. J'ai le plus grand respect pour les personnes âgées, honnêtement. Mais il y en a, là. Tu sais, quand ils sont ratatinés, faut que tu les respectes encore plus. Oui, jusqu'à temps qu'ils soient mauves, là, c'est parce qu'ils sont proches de la fin. Oh, Mathieu. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est dark aujourd'hui, hein. Fin. C'est vraiment dark. Ouais. Donc, c'est ça. C'est Dauphin Rose. Okay. Ouais, sur une bonne note, Dauphin Rose. Merci, Véronique Mire. Ben, ça me fait plaisir. Avec la Véronique Lopédie. Véronique Lopédie. Toujours aux deux semaines. Et oui. C'est les mardis matins, dès le début de l'émission, 7h30. Ouais. Merci. Je serai au rendez-vous le 14 février. Oui. J'ai bien hâte de voir. Là, une fois que tu as parlé de chocolat cette semaine, là, tu peux pas en reparler la semaine prochaine. Ben non. Peut-être que oui. On va voir. On verra. On verra. Ouais. Non, on va parler de fleurs, on va parler de toutou, de bibelots. De cigogne, de couple. De Tractionaise pour ta gueule. De Tractionaise. Bref, on se quitte maintenant avec une pièce de chocolat parce qu'on a parlé de chocolat en long et en large. Voici notre extrait. Oh, à son âge requis. Attention. 89 FM. De chocolat. Au retour de la pause, plus tard, David Ferron et aussi Tania is gonna entertain à Assemblage Rocky. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez tard pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Toujours à son Afriki en ce mardi 31 janvier 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. À plus tard à l'émission, on a David Ferron et la chronique du Zone Campus. T'as l'air de réfléchir, est-ce que c'est vraiment Mathieu Plante, mon nom? Oui, c'est le lit, je le confirme. J'étais pas certaine. Ouais, c'est ça, ça vaut la peine d'enquêter là-dessus des fois. Mais moi, je me cherche. Oh non. Mais des fois, quand on cherche, on trouve des informations pertinentes sur un sujet quelconque dans ouais. Tania is gonna entertain ya. Mais maintenant, je dis ça va. C'est pas bon non plus, les frères. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. She's gonna entertain ya. Salut Tania. Hey, bon matin. La version complète de l'introduction, une fois de temps en temps, la première de la semaine, on aime ça. Exactement. On parle aujourd'hui d'alcool, je crois, avec la SAQ. Oui, exactement. Bien, c'est drôle parce que le demain matin commence le 28 jours sans alcool pour plusieurs personnes québécoises, pour la Fondation Jean Lapointe. D'ailleurs, je me suis inscrite, ça fait. Oui, mais déjà, elle dit que quand je vais échouer, blablabla. J'ai pas dit ça comme ça. Ben, c'était proche. Tu penses déjà que tu vas rater ton coup? Mais non, je pense pas. T'as pas de volonté? J'ai beaucoup de volonté, au contraire. Okay. Ce mois-ci, je pense que je vais réussir, justement. Mais c'est drôle parce que je suis tombée sur plusieurs nouvelles qui parlaient de la SAQ. Qu'est-ce qui se passe avec la SAQ? Est-ce que la SAQ est en guerre? Pourquoi la SAQ coupe encore ses prix? Blablabla. Peut-être que vous êtes de ceux qui connaissez bien le dossier SAQ. L'année dernière, j'en avais déjà discuté. On apprenait que la SAQ allait couper plusieurs de ses prix en commerce, bien évidemment, pour pouvoir justement peut-être vendre un petit peu plus et aussi pouvoir donner plus de points de boni à nos fameux les points Inspire. Clients. Exactement, les fameux petits points Inspire, la petite carte Inspire, cette fameuse petite carte que tout le monde perd. Mais Mais de la grandeur d'une carte normale, non? Oui, mais t'as pas tout le temps. Je Pourquoi? Sais pas. Moi, je l'ai perdu comme 4 fois en un an. Ben là, t'es pas responsable. Mais non, mais c'est parce que... Ta carte de crédit, c'est ta part. Non. T'sais. C'est parce que c'est le changement de portefeuille chez une femme qui fait en sorte qu'on va être... Boy, c'est compliqué d'une femme. Ouais, je sais. C'est le portefeuille qui est compliqué, en fait. Mais bon, tout ça pour dire que la SAQ revient à la charge. On a décidé encore une fois de baisser nos prix. On va réduire les prix à nouveau de ceux de la LCBO en Ontario. Donc, on s'était basé un petit peu sur les prix, justement, qu'on voyait en Ontario, qu'on voyait un petit peu partout au Canada, pour pouvoir baisser nos prix ici au Québec versus la SAQ, parce qu'on on sait que si on va au dépanneur, par exemple, le prix du vin va être pas mal moins cher que si on va en SAQ. Mmh. Mais on faisait un comparatif en Ontario il y a quelques mois. C'est quoi déjà la SAQ? Vers l'été. Liquor. Un peu. Liquor Control Board of Ontario. Tu vois? Je le savais. La Régie des alcools de l'Ontario. Exactement. Donc, la Société des alcools du Québec a annoncé encore une fois une baisse de prix sur la majorité de ses vins, dans le but, en fait, de s'aligner sur les prix de la LCBO qu'on voit en Ontario et justement de ramener le coût pour les consommateurs au même niveau qu'en Ontario. En Ontario, c'est pas très, très compliqué. Tu rentres à la LCBO et il n'y a pas grand-chose qui est très, très, très cher à part la bière. Et ici, au Québec, bien, c'est les SAQ. Il n'y a pas vraiment de bière lorsqu'on va à la SAQ. C'est vraiment le vin. Donc, c'est vraiment cette optique-là qu'on visait pour le Québec. Et c'est d'encore une fois voir, justement, cette espèce d'engouement-là autour de ce qui peut être vendu beaucoup moins cher, parce que parfois, c'est peut-être juste le prix d'une bouteille qui va nous faire résister à acheter ce fameux vin qu'on aime tant. Alors, si on en baisse un petit peu le prix, eh bien, à ce moment-là, ça vient donner un petit oomph à chaque client qui souhaite mettre la main sur une certaine bouteille. Donc, on lance un mouvement qui va se poursuivre sur 3 ans. C'est ce que disait Alain Brunet, qui est PDG de la SAQ, dans une entrevue à RDI. Et l'objectif est justement d'amener les prix à parité avec les principaux marchés qui sont comparables. Donc, ceux de l'Ontario, ceux un petit peu plus loin de l'Ontario au Canada. On essaie vraiment de pouvoir mettre le Québec sur la map en termes de comparaison de prix pour le vin. Et la première étape va se produire, bien, du moins c'est produit le 9 novembre avec une réduction de 50 cents sur 1620 qui sont courants et qu'on peut voir s'apprévisionner de façon continue assez souvent. Donc, c'est près de 80 % du volume de vente de la Société d'État qui a déjà été coupé il y a quelques mois. Ça, je me souviens, on en avait parlé. C'était une réduction qui était importante pour les vins qui étaient aux alentours d'une quinzaine de dollars. C'est surtout ces vins-là qu'on visait parce que c'est la plupart des vins qui vont rester sur les étagères bien souvent. Parce que des fois, tu te dis, bon, Si je vais au-dessus d'une quinzaine de dollars pour une bouteille, automatiquement, elle va être bonne. Et certaines autres personnes voient les choses beaucoup de façon totalement différente. Ça prend 12 des fois. C'est ça, ouais. Exact. Il y en a qui se donnent... ma mère fait ça, elle se donne le défi à chaque fois d'aller à la SEQ de trouver d'excellents vins aux alentours de 10 $ Oui, on ne veut oui. pas dépasser le 10 $ Automatiquement, on va repartir avec pas mal plus de bouteilles aussi. Mm-hmm. Donc, les fameuses bouteilles à 15 $ on avait comme une espèce de problème avec ceux-là. C'est qu'elles restaient sur les étagères bien souvent. Et on arrivait malheureusement à un point où on se disait « Mais c'est pas parce que le vin est mauvais, c'est peut-être tout simplement à cause du prix. Ces vins-là, ailleurs, se vendent peut-être beaucoup moins cher. Mm-hmm. » Et on en voit la vente qui est beaucoup plus achalandée. Donc, on devrait peut-être faire la même chose du côté du Québec avec la SAQ et c'est ce qui est arrivé il y a quelques mois. On a commencé tout ça aux alentours de... Les discussions étaient aux alentours, si je me souviens bien, de août-septembre et on a vraiment adapté le plan en novembre. C'est ironique de dire que le vin reste sur les tablettes et justement il devient de meilleur... il est encore meilleur puis il reste sur la tablette longtemps finalement. Oui. Du vin, ça prend... Avec l'âge, là. OK, oui, tout à fait. Tout dépendant, comme c'est quoi. Là, on s'entend à un vin blanc qui vieillit, ça peut... Je sais pas. Peut tourner au vinaigre un peu. Ah oui? Ah, quand même. Ah. Mais là, ce qu'on apprend récemment, c'est que ça fait déjà moins de 3 mois qu'on a révisé les fameux prix de la SAQ. On les a révisés, bien évidemment, à la baisse sur, comme je le disais, aux alentours de 1600 bouteilles de vin. Et la Société des alcools du Québec a annoncé cette semaine qu'elle va encore une fois diminuer les coûts. Pourquoi? Dans un avis publié sur son site Internet, la SEQ, en fait, indique que les bouteilles qui sont concernées coûteront au minimum 40 cents de moins qu'avant, ce qui ajoute à la diminution qui était déjà de 50 cents. Donc 90 cents. Exactement. On joue quasiment aux alentours de 1 $ de moins la bouteille. Et la SEQ a affirmé que les changements répondent à une demande qui est exprimée par la clientèle. Donc, encore une fois, les fameuses bouteilles qui restaient sur les étagères aux alentours d'une quinzaine de dollars, bien, elles ne sont pas encore moins chères pour qu'on puisse les acheter, j'imagine. Ouais. Alors, on a décidé de rebaisser le prix. Je me rappelle d'avoir rempli quelques sondages là, sur léger sondage. Vrai, hein? Fait que j'ai peut-être aidé à faire descendre ces prix-là. Ben, c'est bien correct. Et les bons résultats ont été enregistrés au deuxième trimestre et, bien évidemment, pendant les fêtes, la période extrêmement achalandée pour les SAQ. Donc, on a permis de diminuer immédiatement les prix qui étaient dans les SAQ. Mais là, on va avoir justement une deuxième vague qui va arriver. Et lors du deuxième trimestre qui se concluait en septembre, la SAQ a affiché un bénéfice quand même net en hausse de 7,5%, ce qui est quand même très bon. Ils sont pas à plein. Non. En effet, et les nouveaux prix vont être en vigueur à partir, attention, de demain. Oui, ah, sont bright, hein, sont forts. C'est pas une annonce qui a pris des mois à pouvoir mettre en forme. Ils c'est vraiment que tu cette semaine. Boum. Ils veulent vraiment te voir échouer. C'est sûr, ils savent ce qui arrive. Là, tout le monde le sait. En février, il y a plein de Québécois qui vont arrêter de boire. Je vous le dis, c'est sûr et certain, il y a des endroits, des bars qui vont faire beaucoup moins d'argent parce que les gens, automatiquement, s'ils décident de moins boire, vont moins sortir. Ouais. Donc, il va y avoir une consommation d'alcool qui va être vraiment moins grande que ce qu'elle est en temps normal en février. Ça en fait plus pour les autres. On essaie de faire certains compromis du côté de certaines compagnies et c'est un petit peu ce que fait la SEQ. Donc, à la fin du mois d'octobre dernier, la SEQ avait annoncé qu'elle baisserait le coût de 1600 bouteilles de vin, comme je le disais tout à l'heure. C'était une première étape pour réduire les prix des vins, mais la SEQ continue justement de mettre en forme ce plan d'action-là qui était sur plusieurs années, rappelez-vous. Donc, on va essayer d'agir prudemment. Mais on va essayer aussi d'agir avec une rigueur qui va avoir une démarche pas très, très établie. On va y aller quasiment au goût et à l'impulsion pour justement réduire les prix de vente des vins, ce qui devrait rendre quand même quelques Québécois assez heureux. Merci. Mais là, est-ce que la SAQ s'en va en guerre? Parce qu'il y a quelque temps, on a appris que la SAQ était en train de mettre des gens à la porte, malheureusement. Ah. On licencie des postes, on coupe des postes, mais on coupe aussi les prix. Qu'est-ce qui se passe avec la SAQ? La question numéro un, en fait, c'est est-ce que vous êtes allé dans une SAQ récemment? Les prix de, justement, ces fameux vins qui ont été baissés de presque 1 $ en moins de 3 mois, ça fait bizarre à un certain point pour certains médias de pouvoir écrire ça. SAQ baisse de prix dans la même phrase parce qu'à un certain point, tu te penses... Ils ont le monopole quand même. Tu te dis, la SAQ baisse ses prix, automatiquement, il fait moins d'argent. Ouais. T'sais, ça doit être parce qu'il vend moins à un certain point. Donc, le geste répond à une demande qui est exprimée par la clientèle. C'est ce qu'on essaye d'expliquer du côté de la SAQ. C'est vraiment pas un problème de financement. C'est pas un problème non plus de manque d'argent du côté de la SAQ. C'est vraiment une demande qui est exprimée par la clientèle, par cette fameuse... Tantôt, tu parlais de la carte Inspire. Mm-hmm. C'est vraiment un petit peu dans cette optique-là. Et ça fait des années que les gens s'époumonnent à dire que les prix sont beaucoup trop hauts. Ouais. Et soudainement, le message passe... La SAQ réagit. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé durant toutes ces années-là? Alors, du côté de certains médias, en fait, on est sceptique de la raison du pourquoi on baisse vraiment les prix à la SAQ. Deux dossiers différents complètement. L'histoire de sacrer les gens dehors et l'histoire de changer les prix, ça a même pas, il n'y a pas de lien ensemble, mais les médias vont ramener ça ensemble, j'imagine. Mais en fait, c'est qu'on cherche une espèce de raison cachée derrière l'espèce de généreux... Trop pour être vrai. L'espèce de générosité soudaine de la SAQ. Pourquoi est-ce que la SAQ n'a pas fait preuve de cette fameuse générosité au cours, par exemple, des 10 dernières années? C'est pas quelque chose qu'on a vu. On a vraiment vu ça d'un coup sec. On se dit que c'est un plan d'action qu'on va faire durant quelques mois, durant quelques années à venir. Donc, ça fait vraiment déjà plusieurs années qu'on entend les clients, cette fameuse grande demande-là qui est exprimée par la clientèle de voir des prix baisser. Mais là, à ce moment-là, on décide vraiment juste d'en faire les changements aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les conditions de marché ne sont pas nécessairement les mêmes? Mm-hmm. La SAQ, en fait, dit qu'elle perd plusieurs dizaines de millions de dollars par année quand les Québécois vont acheter des bouteilles qui sont, en parenthèse, 12 maximum selon la loi. Tu n'as pas le droit d'acheter plus de 12 bouteilles d'alcool à la fois. On y va en Ontario ou encore ailleurs, là où le vin est beaucoup moins cher. Ouais. Donc, il y a des gens qui se disent, bon, ben en fin de semaine, on fait un road trip, on s'en va en Ontario. Et automatiquement, ces gens-là vont arrêter par la LCBO pour justement bénéficier de ces fameux prix sur le vin qui est beaucoup moins cher qu'ici au Québec. Donc, ça a du sens d'essayer de ramener un espèce de coût de la bouteille de la LCBO qui est pas mal moins cher ici au Québec pour que les gens d'ici achètent ici. Donc, on a peut-être fait un calcul qui vendait peut-être moins cher ou qui va vendre beaucoup plus cher à long terme. Mm-hmm. C'est ce qu'on essaye de ramener, c'est-à-dire les gens, les Québécois qui vont ailleurs où ça se voit aussi aux lignes. Là. Tu passes les lignes, tu peux aller à la boutique sans taxe. Donc, la plupart des gens allaient aussi acheter leur alcool à ces endroits-là. On va essayer de ramener ça du côté du Québec pour ce qui est de la SAQ. Et tout à l'heure, on parlait des coupes des prix, les coupes des poste, on pense que c'est deux choses bien différentes. Eh bien, le site lesaffaires.com, c'est drôle parce qu'ils ont sorti cette semaine, un petit peu plus tôt, ça fait exactement 4 jours, en fait, que l'article est sorti, un article qui parle du pourquoi la SAQ coupe ses prix, mais aussi des postes. Alors, je vais vous en lire quelques extraits. En fait, le temps des fêtes a certainement donné une raison de plus de lever votre verre pour la plupart des Québécois. C'est ce qu'on fait quand même assez souvent durant le temps des fêtes. Donc, un verre qui vous a peut-être même coûté moins cher que les années précédentes, justement à cause de cette fameuse coupe de prix-là de la bouteille, cette fameuse baisse de prix-là. Et dès novembre, la SAQ avait justement effectué des réductions de prix sur vraiment des milliers de bouteilles en magasin et elle vient de récidiver. Donc, les profits de la SAQ sont directement liés au prix des ventes des bouteilles de vin et la Société d'État vient d'annoncer une nouvelle révision à la baisse de ces prix de vente. Donc, on met un petit peu sous contexte qu'est-ce qui s'est passé au passé, comme je l'ai fait tout à l'heure, en novembre versus ce qui va arriver. En moins de 3 mois, les prix de quelques 1600 bouteilles ont diminué de presque 1$. Ça, c'est un autre fait qu'on connaît jusqu'à présent. Et la SAQ dit répondre, encore une fois, à la demande qui est exprimée par sa clientèle et elle cherche aussi à établir des prix qui sont comparables à ceux qui sont pratiqués par les provinces voisines, l'Ontario, les États-Unis et le Nord-Est américain. Donc, jusqu'à présent, on est en terrain connu. C'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué, mais l'effort est quand même questionnable et certainement apprécié par la clientèle qui a pas beaucoup d'alternatives face au quasi-monopole de la Société d'État, on s'entend. À moins que tu veuilles aller acheter ton vin en dépanneur, ça va être du vin de dépanneur. bien souvent, on va dire que le vin de dépanneur est moins bon que le vin de la SAQ. Préjugés. C'est des préjugés, bien souvent. On se souvient, il y a Julia Wine aussi qui est partie en guerre il y a quelques années déjà contre la SAQ pour justement qu'elle ait pas ce fameux monopole-là sur la bouteille de vin, parce que ça devient un petit peu compliqué pour le citoyen quotidien d'aller s'acheter une bouteille de vin sans nécessairement être obligé d'aller à la SAQ. Alors justement, un second élément qui joue dans l'équation, c'est la quantité de bouteilles vendues qui pourrait expliquer cette fameuse initiative-là de vouloir baisser le prix des ventes. C'est de plus en plus de consommateurs se tournent vers des fournisseurs qui sont alternatifs. Donc, soit en Ontario ou des ventes qui sont perdues pour la SAQ, bien évidemment. La SAQ cherche à pas perdre ces fameuses ventes-là. Donc, si on veut exprimer un besoin que la clientèle dit avoir, eh bien, automatiquement, on va baisser le prix, mais c'est parce qu'à un certain point, on est déjà dans le trouble. Donc, tout à l'heure, quand je vous disais, ouais, mais c'est sûr qu'on ne fait pas juste répondre puis être généreux pour le client, il y a une espèce de raison cachée derrière tout ça. C'est qu'à un certain point, oui, on perd de l'argent du côté de la SAQ. Donc, on réduit le prix de ces bouteilles pour autant de profit, évidemment. On va essayer d'avoir autant de profit à la fin que si on les avait pas perdus, que si on les avait pas baissés. Alors, ça permet au moins de préserver les volumes de vente. Mm-hmm. Parce que si, par exemple, on coupe pas le prix des bouteilles de vin, le volume de vente va devoir diminuer. On va avoir moins de stock en inventaire, on va avoir moins de bouteilles à offrir à notre clientèle. Donc, c'est une stratégie qui pourrait même permettre à l'entreprise de vendre plus de bouteilles. Parce que de ce moment-là, on va garder cette espèce de volume de vente-là, cet inventaire-là, mais on réduit le prix de la bouteille. Donc, automatiquement, mentalement et de façon marketing, le client va se dire que ça vaut la peine d'en acheter deux, ben oui. C'est moins cher. C'est donc, parce que les profits de la SAQ sont en hausse, ces derniers sont tributaires du volume des ventes et ces profits consistent en une équation simple, c'est-à-dire ce que les consommateurs sont prêts à payer et c'est-à-dire les coûts de production de la SAQ. En tant que quasi-monopole de l'alcool au Québec, on s'entend, la SAQ n'a jamais été soumise à la pression de la concurrence. Parce que ici au Québec, à part la SAQ, t'en as pas d'autres. Non, puis même quand tu vas en épicerie, c'est souvent des vins SAQ sélection, les dépanneurs aussi. Donc, on n'a pas été forcé de s'améliorer pour demeurer pertinent ou pour devoir conserver ses parts de marché durant les dernières années. Chose qui, là, on n'a plus vraiment le choix parce qu'on se rend compte que, justement, nos acheteurs, nos clients s'en vont ailleurs pour pouvoir acheter ce qu'on leur offre déjà au Québec. Ouais. Donc, la compétition, c'est toujours bon. Exactement. Selon une étude qui a été réalisée par le Centre de la productivité et de la prospérité, la productivité de la SAQ stagne depuis près de 30 ans. Mais on a le monopole, fait qu'est-ce que ça change? Who cares? Exactement. Malgré tout, au cours des dernières années, il y a la SAQ qui a cherché à réduire ses coûts d'exploitation, ce qui lui a permis de faire des gains de productivité importants. Quand on parle de coûts d'exploitation, jusqu'à présent, c'était pas assez suffisant, bien évidemment. Et c'est là qu'on voit la tendance qui semble aussi s'accentuer. C'est la SAQ qui a annoncé le 18 janvier, donc ça fait pas extrêmement longtemps, là, ça fait une semaine, qu'elle supprimait 190 postes, ce qui correspond approximativement à 10% des effectifs de la SAQ. Et tantôt, l'argent perdu par la baisse de prix, c'était quoi, 7% quelque chose? 7,5%. Drôle d'adon, hein? Donc, les coupures s'ajoutent à une soixantaine du printemps dernier. C'est 190 postes plus 60 autres qui ont déjà été coupés. À vrai dire, la société n'a pas vraiment le choix, parce que si les consommateurs sont plus prêts à payer plus cher pour une bouteille de vin, il y a des alternatives d'achat qui existent. Et si la vérificatrice générale reproche à la société d'État de ne pas profiter de son pouvoir d'achat pour réduire ses coûts, elle devient donc impératif pour la SAQ d'améliorer sa productivité pour conserver ses profits. Donc oui, on parle de baisse de prix, c'est le fun, mais ces fameux postes-là sont aussi reliés, bien évidemment, à la baisse de prix, parce qu'à un certain moment, on veut rentrer dans nos effectifs. On veut chercher à quand même rester le monopole ici au Québec. Et c'est un petit peu cette fameuse guerre-là qu'on va voir dans les prochains mois. C'est tout simplement pas la guerre de ce qui a trait comme marchandises qu'on va offrir ou encore les prix que l'on va offrir. La guerre en tant que telle va être celle du monopole de l'alcool. Est-ce qu'on va pouvoir rester cette fameuse seule État à pouvoir offrir tant du côté de la SAQ ou encore cette fameuse loi-là va changer? On ne sait pas encore. On verra. On verra. Est-ce que les employés qui ont été renvoyés ont un CV avec une pastille de goût, genre fruité et corsé? Aromatique et charnu. Ouais, je suis aromatique et charnu. C'est pas un compliment, ça. Ben, il sent bon, mais il est comme dodu. Ben non, mais le ça gars, veut pas nécessairement dire, CV. Parce que charnu en temps normal sur une pastille, c'est quelque chose qui va te rester en bouche. Ça va être, tu vas pouvoir avoir des épices. Ah. Ça va être un goût qui va te rester longtemps. Donc, si t'es aromatique et charnu, tu peux avoir un très grand caractère. Tu vois, ça, c'est pour ça qu'on dit que ça va être difficile pour toi le mois sans alcool, parce que tu connais tout. Ouais. Tu connais tous les mots. Moi, les pastilles de goût, là, je comprends rien, ça. Ah, oh, ouais. Moi, j'aime ça, les pastilles de goût. Pendant un mois, je vais devoir... souvent aromatique et charnu, ah oui. Mais pendant un mois, je vais devoir arrêter de lire le plus beau cadeau de Noël qu'on m'a offert, c'est-à-dire la bibliothèque Larousse du vin. Arrête, pour vrai, ça existe, ça? Oui. Cool. On m'a offert ça à Noël. Le lire là, si pour avoir le lis automatiquement, ben, je vais avoir le goût de vouloir essayer tout ce qui est écrit dedans. Non, fais-toi une liste, puis le mois de mars va arriver, puis bam! Tu vas être dans un commun. C'est ça. Le mois de mes 25 ans. Bang! Bim! Je vais essayer ça. Mais tout ça pour dire, achetez donc votre vin où vous voulez, si le cœur vous en dit, mais gardez toujours en tête que il y a eu une baisse de prix à la SAQ. Que vous faites fourrer, là. Aussi! Merci, Tania. Ça fait plaisir. On fait Tania Esgonel et Tania tous les matins de semaine à Assemblage Requis. Étant donné qu'on a parlé d'alcool, je sais qu'on l'a fait jouer souvent, cette chanson-là, mais on l'aime beaucoup. C'est un hit en ce moment. Donc, en lien avec l'alcool, c'est The Devil's Punch Bowl. Voici The James Clark Institute à Assemblage Requis. Sur ce fou. Baby's got chaos in her veins, lightning bolts at the break of day, but she can't run away from the devil's parade, the devil's escapades. Baby's got madness in a glance, take two steps back and ask her to dance. Stand a chance with the devil's serenade, the devil's lemonade. The devil seems to know just what I think. The devil's in her soul, don't let her drink from his punch bowl. We'll be right back. faut écouter cette chanson en boucle. C'était The Devil's Punchbowl par The James Clark Institute. D'ailleurs, Harpore, non, c'est une blague. C'est une blague. Mais c'est vrai qu'Harpore, mais c'est une blague. On revient. Et juste après, ce sera David Ferron et la chronique du Zone Campus. Restez là. Baby's got chaos in her veins. Lightning bolts at the break of day. Aujourd'hui. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca 89.1. Assemblage anti-potrin aujourd'hui. Toujours Assemblage Rocky en ce mardi 31 janvier 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, David Ferron va être là pour parler du journal Zone Campus. David, salut. Bonjour. Allô, ça va? Ben oui, vous yeah. deux. Ben oui, ben oui, ben oui. Avant de parler du Zone Campus, par contre, tu nous as écrit un petit texte et Tania l'a lu. Oui, c'est vrai. Je l'ai monté. Travail d'équipe. C'est ce qu'on appelle l'Info Campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Tu étudies à l'UQTR et tu aimes utiliser une caméra? Le réseau de l'Université du Québec organise un concours vidéo. Des prix totalisant 13 000 $ sont à gagner. Pour plus de détails, cherchez UQuébec concours vidéo sur Google. La date limite pour participer est le 19 mars. L'Association nationale des éditeurs de livres, en partenariat avec le Salon du livre de Trois-Rivières, organise le concours Livre-toi. Ce concours invite les jeunes de 12 à 21 ans à tourner une capsule vidéo sur un livre. Les participants peuvent gagner de nombreux prix comme un voyage en Europe ou des bons d'achat pour les livres. Pour plus de détails, il faut visiter la page livre-toi.ca et la date limite d'inscription est le 10 février. Vous souhaitez offrir le discours le plus éloquent du monde? La Clinique du Pitch est pour vous. L'activité est animée par le gagnant du Startup Weekend Trois-Rivières 2016, Félix-Antoine Huard, et organisée par le Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation de l'UQTR, ainsi que Ramen Code. C'est gratuit et la pizza est fournie. Pour inscription et détails, uqtr.ca/CEI et cliquez sur la section Activités. Vous avez toujours rêvé d'animer une émission à la radio? La station Cifou 89.1 FM est à la recherche d'animateurs bénévoles. Peu importe votre expérience ou vos sujets d'intérêt, n'hésitez pas à soumettre votre projet à progcifou@commercialuqtr.ca. Aussi, une formation est offerte aux recrues. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. C'était bien sûr la capsule écrite par David Ferron, directeur en chef joint à Zone Campus. Allô? L'Info Campus, justement, hey, regardez-moi ça, il est là en direct en studio devant nous. Mm-hmm. Salut! Salut! Il est là pour parler du journal, justement, en fond et en horizontal et en vertical. En fait, je pense que c'est... Nous, on le fait imprimer en 8,5 par 11 dans le studio, mais je pense pas que le journal soit un 8,5 par 11. Hein. Non, exactement. Ouais, je connais pas les dimensions par 11 par 17, non. 14. Faudrait le mesurer. J'ai jamais mesuré le Zone Campus format papier qui sort ce matin. En fait, c'est la 8e édition de l'année 2016-2017 qui sort ce matin. C'est quoi déjà le nom de ce journal-là? Je sais plus. Toi, Tania, est-ce que tu sais comment ça s'appelle le journal dont on va parler? Le Zone Campus? Oui! Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Encore du travail d'équipe là-dessus, c'était... Tout le temps. Ouais. Donc, David Ferron, rédacteur en chef, qui est là pour nous parler, oui, tu l'as dit, du volume 12, numéro 8. Faut se resynchroniser le cerveau, là, parce qu'habituellement, il y a 8 numéros à l'automne et 8 à l'hiver. Là, il y en a 6 à l'automne, 7 à l'hiver. Donc, c'est le 8e. C'est mêlant. Mais en couverture, on retrouve, mais bref, Kat Levac. Oui. On en parlera tout à l'heure lors du segment sur le carnaval en art et spectacle, même si on va en survoler un petit peu quand même en actualité. Mais commençons justement avec cette dite section actualité, avec la rémunération des internats qui est finalement à l'ordre du jour pour les doctorants, le doctorat en psychologie, voyons. Oui, exactement, parce que depuis 2006, tous ceux et celles qui veulent poursuivre leur parcours en psychologie sont obligés de faire un doctorat pour être reconnus psychologues officiellement. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que pendant l'internat de psychologie, les étudiants n'étaient pas payés. Ouais. Donc là, depuis fin décembre, il y a une entente avec le gouvernement et Marie Labrousse, qui est la journaliste qui a écrit l'article, a interviewé Marilyn Tremblay-Pouliot, qui est la présidente de l'Association des étudiants des cycles supérieurs en psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Tremblay-Pouliot, ou si tu compresses, Tremble. Oh. Mais finalement, elle doit sûrement... je veux dire, elle doit sûrement s'élever de joie par rapport à ça, mais en fait, les étudiants vont avoir 25 000 $ pour leur stage. Okay. Mais il paraîtrait que... oui, elle dit en fait que c'est correct parce qu'on en fait une bourse, mais elle explique que comparé à d'autres programmes, c'est pas aussi élevé que dans d'autres programmes. Je pense qu'en médecine, c'est 40 000 $ pour les résidents. Mmh. Mais elle est quand même contente. Il faut commencer en quelque part, exactement. Oui. Exactement. Oui, c'est pour ça qu'ils compensent après en chargeant 100 piastres de l'heure. Mais tu sais, hein, on va se le dire. Ça se paye, ces affaires-là. Ensuite, dans ton mot de la rédaction, tu nous fais un petit... une petite mention spéciale de différentes choses, là. Ça s'appelle l'Université de la vie. Ben oui. On dit pas trop ce qu'il y a là-dedans, mais quand même, allez le lire. Ça dit tout sans le dire. C'est ça, faut lire entre les lignes. Oui. Ensuite, toujours en actualité, l'école d'ingénierie de l'UQTR, de sérieux compétiteurs aux jeux de génie. Oui, exactement, parce que d'abord, ITR, en fait, ITR, c'est l'Association des étudiants en ingénierie de Trois-Rivières. Les salopettes oranges? Oui, exactement. On peut les reconnaître par rapport à ça, mais aussi se démarquent pas juste par leurs habits, mais également aussi par leur participation à toutes sortes d'activités. Leurs habiletés. Beaucoup d'alcool. Habileté. Oui, aussi alcool. Plein de préjugés. Vous avez plein de préjugés ce matin. On dit les vraies affaires. Oui, j'ai dit qu'il y avait des habiletés, mais c'est pas méchant, ça. Ben oui. Gabriel Béaud serait fier de nous ce matin. On va dire les vraies affaires! Je savais pas où tu t'en allais avec ça. On se croirait quasiment dans un autre type de radio. C'est ma opinion. Ah, c'est... Donc, c'est trop poreux ton humour. Les appendices, oui. Donc, pour ceux qui comprennent, en fait, pour revenir à l'article écrit par Caroline Bodin qui s'intitule « De sérieux compétiteurs au jeu de génie », parce que les étudiants en ITR, donc d'ingénierie Trois-Rivières, ont été du 3 au 7 janvier au jeu de génie. Et dans ces jeux-là, dans les jeux de génie, ils ont remporté notamment des belles mentions, en fait, des premières places, deuxième, troisième place, notamment pour les jeux en génie de conseil, génie industriel, génie mécanique. Donc, c'est toutes les formes de génie qu'on peut avoir. Donc, Bouchard. Je suis pas sûr. Non, pas là. Non, c'est pas très génial, ces temps-ci, ce qui arrive. Ouais. C'est, mais en fait, eux, les étudiants en ingénierie, je pense qu'ils sont capables davantage de faire de la haute voltige. Oh, bref, bien dit. Oui, parce qu'ils aussi participent à des projets aussi de construction de voitures aussi. Ça, c'est partout en Amérique, là, parce qu'il va y avoir de quoi cette année à Brooklyn, au Michigan. Il va y avoir de quoi aussi à Illinois. Ça, je pense que c'est le badge ajustement qui va se passer, ouais. Si je ne me trompe pas. Ensuite, on a le carnaval étudiant 2017. Juste un petit article de Caroline Filion là-dessus pour vraiment nous faire un début de résumé du carnaval qui continuera en arrêt spectacle tantôt. Oui, exactement. Puis en sport aussi, on en parle un peu. Aussi. Ben oui. Donc, le carnaval, même si c'est pas un gros article, on en parle un peu partout dans le journal. C'est ça. On startine ça. Ben oui. Ensuite, le lancement du livre Médias et société, la perspective de la communication sociale, un ouvrage collectif inédit. Oui, exactement. Ça, c'est l'initiative du professeur en communication Jason Lockhart. Et le projet, en fait, c'est 12 finissants en communication sociale. Donc, c'est des finissants à la maîtrise en communication sociale. Eux ont prêté des parties dans leur maîtrise et ça fait l'ouvrage « Médias et société la perspective de la communication sociale ». C'est trop complexe. Oui, exactement. Ensuite, on revient sur le CA de l'AGEQTR qui avait lieu le 22 janvier dernier, élection et assemblée générale extraordinaire. Oui, exactement, parce que, en fait, dans le CA de l'AGEQTR, il se passe toujours beaucoup de trucs parce que ça dure au moins un bon 5 heures, oui. Au moins. Ça finit tard. Oui, exactement. Il y a eu notamment la visite de Philippe Compagnon, qui est le coordonnateur du Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation de l'UQTR. Mais il y a aussi... Nouveau poste, d'ailleurs, pour lui, félicitations. Ben oui. C'est excellent. Donc, d'ailleurs, c'est l'organisateur du Startup Weekend à l'UQTR, notamment. Oui, on va le recevoir la semaine prochaine, d'ailleurs, pour en parler. Ben, excellent. Donc, l'AGA, en fait, le CA de l'AGA, c'était aussi l'endroit où on a parlé du prochain CA spécial, l'AGA spécial, l'Assemblée générale spéciale, qui aura lieu le 15 février. Donc, il y a aussi la création d'un projet qui s'appelle le projet multidisciplinaire étudiant, le PROMUL. PROMUL? Oui, c'est l'acronyme du projet. En fait, c'est sous l'égide des projets PICOM. Les projets PICOM, c'est des projets dans la communauté. Donc, au lieu de faire un cours sur le banc d'école, eh bien, tu participes à un projet communautaire. Donc, la GECTR va être partie prenante là-dessus. Et c'était aussi l'élection de deux nouvelles étudiantes à des postes du CX. Donc, il y a Naïma Tadjer, qui, elle, sera vice-présidente aux affaires académiques de premier cycle, et Mère Chantal Delannay, vice-présidente aux communications. Félicitations à elle. Crime, c'est le fun, ça le dit directement dans son poste qu'elle va durer rien qu'un an. Oh. C'est une blague. Quoi, sont capables d'en prendre, le GE? Ouais. Le monde démissionne tout le temps. Fait qu'elle est la Marie-Hélène Delannay, c'est ça? Ouais. Marie-Hélène? C'est quoi son nom? Ah, tu veux dire celle aux communications? Ouais. Mère Chantal? Mère Chantal de l'année. Ah, ben oui, bonne année. Chantal l'année prochaine. Bref, hey, si tu veux ruiner ma blague, c'est bien réussi. Alors, j'essaie de faire ça. T'as vraiment réussi. colloque étudiant-chercheur d'étudiants à professeurs d'université. Oui, exactement, parce que c'était des... c'était pendant toute une journée complète, ça, c'est sous l'égide encore de la GEQTR. Donc, pendant une journée, c'était le 19 janvier, les étudiants et professeurs pouvaient se rencontrer pour parler de leur parcours, s'échanger et tout. Il y avait notamment des étudiants à la maîtrise, en fait, définissant la maîtrise, qui sont venus parler de leur parcours. Comme quoi, c'était pas facile, mais que ça valait la peine. Et il y avait également le doyen des études de l'Université du Québec à Chicoutimi qui est venu faire un discours. Il y a aussi des responsables du projet de l'activité de rédaction Taisez-vous. Mais oui, taisez mais comme thèse. Oui, oui. C'est écœurant. Thèse comme dans une thèse. Eh, hey, mais c'est bien pensé. C'est parfait. Pour vrai. Je suis jaloux, ça. Mais tu peux te l'approprier. Non. Je suis pas de même, moi. Hey, t'es humble. David, je suis pas de même. T'es humble. Tu piques les idées des autres, t'es rendu tu fais du plagiat? Ben c'est oui. C'est juste un fait alternatif. Comment? Ah, excuse-moi. Et on termine avec la conférence midi pédagogique sur l'anxiété pathologique, un mal qui touche les étudiants. Oui, donc c'est une conférence qui a été donnée le jeudi 26 janvier dernier par le professeur Frédéric Langlois et qui explique c'est quoi l'anxiété de performance et qui explique aussi que c'est bon d'avoir un petit peu d'anxiété, ben que ça oui. peut être sain pour nous pousser plus loin, mais que ça peut être malsain aussi si ça vient d'une honte, d'une culpabilité ou d'un manque d'estime de soi. Tout à fait d'accord. Si on n'était pas un petit minimum stressé avant l'émission le matin, c'est qu'on serait blasé, n'est-ce pas? Il nous reste seulement l'éditorial, parce qu'on n'a plus d'articles en actualité. Donc, l'éditorial, c'est l'humain approximatif avec Samuel Pedro Beauchemin, qui dit au revoir à Madame David. Oui, exactement. Donc, François David qui est parti. Oui. Encore là, pas une nouvelle, mais c'est... On en parle. Ben voyons. Mais oui. Non, mais tu sais, dans le sens que les gens le savent déjà depuis longtemps. Oui, quand même. Mais l'éditorial, c'est une tribune pour que Samuel Pedro Beauchemin puisse exprimer ses opinions. Donc, ça sert à ça. Voilà. Puis, il explique également le passage de Mme David à l'UQTR il y a quelques années lors d'une midi-conférence organisée par la GEQTR. Mm-hmm. Donc, elle était venue pour discuter justement de Québec solidaire, de sa vision des choses. Donc, ça l'avait beaucoup impressionné. Et il explique aussi que le départ de Françoise David fait un trou dans la gauche québécoise. Ah, bon. Donc voilà pour les actualités maintenant en société. OK, oui, du côté de la société, c'est Gwendoline Lebeaumain qui nous revient avec les éternels invisibles. Mais de qui est-ce qu'elle parle? Des sans-abri. Oh! Donc, elle explique que au niveau des sans-abri à Montréal, on sert, en fait, l'administration municipale de la ville de Montréal et les arrondissements n'arrêtent pas de serrer la vis pour empêcher les sans-abri d'être visibles. Donc, par exemple, on met des espèces de barreaux sur les bancs de métro pour pas qu'ils couchent, qu'ils se reposent. Il y a plein de trucs, justement, pour... En fait, pour pas... En fait, les villes... La ville de Montréal, les arrondissements... D'après Gwendoline, ne règle pas le problème, mais ne font qu'essayer de masquer le problème. On appelle ça du design hostile dans le domaine. Ah, oui, c'est vrai. Ben oui, c'est intéressant. Puis, ce qu'elle explique aussi, c'est que oui, c'est beau de faire des dons sans-abri, mais il faut aussi intervenir pour justement les aider à ne pas devenir des êtres marginaux, mais des gens qui peuvent faire partie de la société. Tout à fait. Kevin Gaudreau nous parle entre les deux pôles de la silogomanie. Oui, la silogomanie, c'est quand t'as trop d'objets que ça en devient maladif. C'est comme avoir trop de syllabes dans un même mot. Oui, ouais, c'est ça, ça ressemble pas mal, hein? Ah, ben oui, j'ai pas pensé à ça, mais oui, ben fallait un mot qui exprime ce problème-là. Et c'est la silogomanie. Épeler ça à l'envers. Jamais de la vie. Donc, la slogomanie, c'est justement, c'est pas le fait d'accumuler trop d'objets, mais c'est le fait que t'accumules trop d'objets, ça devient un problème. Tu as des objets que t'as même pas de besoin, mais que tu veux pas jeter. Mm-hmm. Et que là, que t'as tellement trop d'objets que ça finit par affecter ta vie de couple, ta familiale, et que t'as plus de place chez vous, tu ouvres la porte et finalement, la porte s'ouvre pas parce que t'as trop d'objets. Ouais. Et il y a aussi d'autres sous-types de la slogomanie. Par exemple, le syndrome de Noé, qui est l'accumulation d'animaux. Par exemple, si vous avez un chat à la maison, juste un chat à la maison, vous souffrez du syndrome de Noé. Hey! C'est une blague! C'est pas correct, ah, Mathieu! Ouais. Si vous avez un chat, pointe dans ce... Oui, exactement, c'est ça. Vous avez un chat, vous souffrez du syndrome de Noé. C'est une blague! Exactement, c'est pas vrai, Mathieu! Mais non! Ça aurait été drôle, par contre. Ouais. C'est au tour d'Anthony Morin de nous parler dans la chronique La Petite Bite. On parle pour l'avenir de la sexologie. Oui, exactement, parce que la sexologie, c'est vrai que c'est pas un domaine si facile que ça. Non, c'est pas la première fois que j'entends dire que c'est quand même assez difficile. Oui, puis il explique notamment qu'en Mauricie, tu gagnes pas très bien ta vie en sexologie, puis même que, en fait, Anthony se spécialise en sexologie, mais il faut se rappeler que c'est un étudiant en psychologie, parce qu'il n'y a pas de branche de sexologie. À l'UQTR, c'est vraiment psychologie, mais depuis des années, notamment Marie-Ange aussi, qui écrit pour le journal, il milite justement pour qu'il y ait une branche de sexologie à l'université, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et il rappelle aussi que la sexologie, c'est important parce que nous, on n'est pas... Oui, c'est pas parce qu'on a eu des expériences dans la vie qu'on est des experts en sexologie. Mmh. La sexologie aussi, c'est pas juste nécessairement la sexualité dans l'acte en tant que tel, mais c'est aussi tout ce qui est la question par rapport à la transphobie, l'homophobie, tout ce qui est l'hypersexualisation aussi, les ITS aussi. Donc, ça rapport avec tout ce qui est relié avec la sexualité en général. Hmm. C'est une psychologue pour tout ce qui englobe la sexualité. Voilà, oui. Voilà, c'est si bien, bien dit. Mais Anthony l'explique si bien dans son article. C'est vrai. Jean-François Veilleux nous revient dans Je me souviens au pouvoir citoyen. On parle de la fête du Canada. On dit que le Canada n'a pas 50 ans et c'est la première partie. Oui. 150 ans. 150 ans. Qu'est-ce que j'ai dit? 50 ans? Pardon. Ouais. T'as dit 50 ans? 50 ans. Mais c'est parce que le Canada, il fait tellement jeune avec ses rocheuses. C'est vrai. Presque pas de ride. Oui, exact. Quoi? C'est même pas drôle. Exact. Un petit pot de pêche. Oui, c'est ça. Un petit teint de guêpe. Un teint de guêpe et un teint de pêche. Oui. Donc, ce qui explique, c'est que oui, on fête les 150 ans du Canada, mais il faut se rappeler qu'il y a eu quand même des explorateurs qui sont venus depuis le 16e siècle explorer ce qu'on appelle le territoire du Canada. Donc, Jean-François fait l'historique de la découverte du Canada jusqu'à la colonisation du Canada. En fait, ce qu'on appelait la Nouvelle-France à l'époque. Donc, il part de 1534 avec Jacques Cartier pour finalement terminer en 1172 avec Frontenac, alors que Louis XIV voulait que la Nouvelle-France devienne pas juste une colonie de traite, mais aussi une colonie pour le développement. En fait, on voulait développer vraiment une colonie de population. C'est le fun, c'est la deuxième mention de Louis XIV dans l'émission en général, et les deux aujourd'hui, c'est bizarre. Tout à fait. Beaucoup de faits dans cette chronique de Jean-François Veilleux, et soyez rassurés, tout le monde, David Ferron les a tous vérifiés. Oui, puis il n'y a pas d'examen à la fin, fait que vous êtes correct. Il est vraiment au courant là, de ce qui se passe avec le Canada et la Nouvelle-France. Je sais, mais c'est facile d'oublier des faits pour vrai. Ouais. Ben là, David est... C'est parce que c'est du aussi. Par cœur, tu sais. Oui, exactement. Puis c'est juste les liens. T'sais, en fait, ce qui est important dans l'histoire, c'est oui d'apprendre des dates, mais après ça, de comprendre les liens entre les dates, la logique entre les dates. Ouais. Ça, c'est le plus important après. Oui. Ensuite, on va en art et spectacle avec le Carnaval étudiant 2017. Deux articles là-dessus en art et spectacle. Donc, le premier sur Karim Ouellet avec une soirée festive. Oui, exactement. Parce que Karim Ouellet, c'est lui qui a donné Ouellet. Le spectacle. Pourquoi tu dis Ouellet tout le temps? Un débat. Pourquoi tu me regardes quand tu dis parce ça? Que c'est toi qui a commencé. T'as parti de ce mode-là de dire Karim Ouellet. J'ai toujours dit Karim Ouellet. Tu vois, elle vient de dire Ouellet. J'ai dit Ouellet. Non. C'est O-U-E. Là, t'as dit Ouellet. Oh my God. Hey boy. J'ai toujours dit Karim Ouellet en passant. Ouais, OK. Donc, Karim Ouellet. Série. J'en peux plus. Ouellet. Oui, exactement. C'est comme toi. Mais là, tu viens de mettre un A à la fin. Quoi? Où ça? Ouellet? Répète-le, voir. Carrément. Ouellet. T'es limite. OK. Donc, trêve de débat entre... On va l'appeler, on va lui demander. Ouais, comment tu prononces ça? ce nom si compliqué. On salue tous les gens qui s'appellent Ouellette à la maison et dans les bus. Mm-hmm. Et dans les bus, c'est spécifique dans quand les même. Bus. Dans les voitures on aussi. On écoute aussi chez McDonald's sur le boulevard des Forges des fois. Oui, parce qu'ils jouent si fou. Oui, absolument. Est-ce que c'est parce que t'es connu? Les Ouellette? Non, le McDo du boulevard des Forges. Pas tant que ça. Non. Il y a quelqu'un à un moment donné qui leur a dit d'écouter, c'est fou. Mais on les remercie. Merci. Ben oui. Donc, et on attend notre repas. Parce que durant le carnaval qui a eu lieu la semaine dernière, le carnaval étudiant de l'UQTR, eh bien, il y a Karim Ouellette et également quelques membres du groupe Valère qui se sont produits sur scène. Donc, la tête d'affiche, évidemment, c'est Karim Ouellette. Mais avec les musiciens de Valère, ça donne un petit côté, pas nécessairement jazzé, mais c'est la présence des instruments avant. Ouais. Trompette, saxophone. Parce qu'il faut se rappeler que Valère, qui était avant Mister Valère, c'était un groupe de jazz avant. Mm-hmm. Donc, ça a apporté ce petit côté-là, le petit côté funky pop aussi de Karim Ouellette. À cause de la température qui était agréable. En on fait, se rappelle que ouais, c'était très, très, très froid et beaucoup de neige et de vent. Et... Oui, ça fait fuir quelques personnes, mais quand même, ça a l'air que la foule a beaucoup apprécié. Good. Justement, le soir d'avant, oui. C'est vrai, c'était le show d'humour du carnaval étudiant, donc avec David Bocage et Catherine Levac. Oui, exactement. Donc, c'était un espèce de programme double. David Bocage commençait le spectacle et ensuite, c'est Catherine Levac qui prenait... la relève, et ça a l'air qu'il y avait beaucoup de monde parce que aussi, c'est une soirée qui est très, très fréquentée parce que c'est avant la soirée du mois en tant que telle, c'est l'activité d'une joke, une bière où que les associations doivent raconter des blagues. Les gens sont déjà dedans pour l'humour. Oui, exactement. Mm-hmm. C'est vrai que Catherine Levac s'est débarquée pour son sens de la répartie. Ça doit, oui. Elle parlait aux gens dans la foule quand il y avait quelque chose à dire. Ouais, les gens criaient. Elle a même plugué le mot récréologie. Génial. Parce que je pense que... L'UQTR, c'est la seule université au Québec qui donne vraiment ce programme-là en loisirs, tourisme et culture. Ben, il y a peut-être d'autres dérivés, mais vraiment niché celui-là. Comme UQTR, je crois que c'est le seul, si je ne me trompe pas. Ensuite, toujours en art et spectacle, on part en art visuel avec la galerie R3 et une exposition qui s'appelle « La fusion des horizons ». Oui, exactement. Ça, c'est un projet vraiment très intéressant. Malheureusement, ça se termine très bientôt. Ça se termine, je crois, jeudi. Ou le 3 février. Oui, donc, ça, c'est vendredi. Vendredi. Donc, c'est un projet intéressant parce que Eva Quintas a pris des photos partout dans le monde. Elle a pris des photos à Bogota, Madrid, Montréal, notamment. Et ces photos-là, en fait, c'est quoi? C'est des gens qui sont... En fait, c'est des photos de gens dans des manifestations culturelles. Okay. Donc, c'est... dans la rue en tant que telle. Donc, c'est le croisement entre la culture, les gens et la ville. Oh, wow! Et là, c'est projeté ça sur tout le mur parce qu'il est bien avec la galerie R3, c'est que c'est une espèce de rectangle, de prisme rectangulaire. Donc, Madame Quintas, son projet, c'était idéal parce qu'on pouvait prendre tout un mur au complet pour projeter les photos de Madame Quintas. Mm-hmm. C'est vraiment impressionnant. Là, ça a l'air un peu banal, comment je l'explique, mais... Faut y aller. Vous avez jusqu'au 3, c'est gratuit, ça coûte rien. Allez-y, ça vous va. C'est sur le campus, vous êtes sûrement peut-être déjà là. Oui. Ensuite, en musique... Mais ça vaut juste à 10 heures, je crois. Seulement 10 heures, heure de l'Est. Ensuite, toujours, on passe en musique, en fait, avec le prochain sujet. C'est Catherine Lorrain Jazz Quintet, qui était au Zénob le 20 janvier dernier. Oui, exactement. Donc, Catherine Lorrain, si vous connaissez un peu la musique, un peu alternative... Catherine Lorrain, c'est la chanteuse de Cosmophone. Ah, Cosmophone. Bon. Comme en anglais. Je viens de dire quintet, là. Fait que, tu sais, les deux, on a notre, notre part du blâme à prendre sur les mots prononcés en anglais. Oui, exactement. Donc, pourquoi ça s'appelle Jazz, Cigare, Cognac dans l'article écrit par Alicia Lemieux, c'est que pour elle, le show de Catherine Lorrain, ça lui évoque une ambiance boîte à chansons d'un Chicago des années 50 où, ce que justement, il y a le petit côté brumeux, le petit côté jazz cognac aussi. Mm. Donc, ça lui a évoqué beaucoup ça. Ouais. Ensuite, c'est la chronique littéraire. Deuxième édition pour Judith Étier. Oui, le Québec, une page à la fois, poème ou poésie retrouvée. Oui, exactement. Pourquoi? Parce que c'est une compilation de poésie qui n'a pas nécessairement été publiée officiellement du grand poète Gatien Lapointe, parce que Gatien Lapointe, ce n'est pas juste un nom de bibliothèque. Mmh, oui, la bibliothèque Gatien Lapointe. Mais non, c'est une personne. Mmh. Mais malheureusement, elle est décédée. Donc, M. Lapointe est décédé depuis un certain temps. Mais par contre, son esprit vit toujours parce que c'est notamment le fondateur des Écrits des Forges qui fonctionne très bien, pas juste à Trois-Rivières, mais partout au Québec. Donc, parce que l'Écrit des Forges, c'est quasiment un des plus grands éditeurs de livres de poésie au Québec. Mmh. C'est pas le plus grand. Donc, Gatien Lapointe, c'est le fondateur de cette maison d'édition-là. Et il y a une compilation de la maison d'édition, justement, sort un livre qui compile des poètes inédits de M. Lapointe. Justement, toujours en littérature, le premier anniversaire de l'organisme des livres et des réfugiés, DLDR. Oui. Dilder, ça... comme on les appelle. Oui, on peut dire comme ça. On les appelle pas du tout. Ben, en fait, ça, c'est une initiative de l'essai à la maîtrise en littérature, Addis Semidija. Excusez-moi, à matin, je suis vraiment désolé. Donc, Addis, en fait, qui va peut-être être maire de Trois-Rivières. Ah oui? Ah oui, parce qu'il veut se présenter à mairie. Ah ben. Ben oui. Donc, Addis a fondé cet organisme-là qu'on appelle des livres et des réfugiés, parce que d'abord, pourquoi des livres et des réfugiés? Parce que c'est notamment l'histoire d'un livre, c'est l'histoire aussi d'un projet où on ramasse des fonds pour aider des réfugiés aussi. Donc, on fêtait le premier anniversaire de l'organisme au Café Frida. Mmh. Addis, justement, qui a donné son nom à l'heure d'ouverture de la Galerie R3. Ça ouvre à 10h. Oh. le théâtre des nouveaux compagnons. Tania, comment tu fais? Oui, c'est une bonne question. Ensuite, le théâtre des nouveaux compagnons et le metteur en scène Stéphane. Je démissionne de mon poste de rédacteur en chef. Stéphane Mélanger qui a présenté la pièce de théâtre La noce de Robert Duparc. Oui, et ça a l'air que c'était pas une pièce de théâtre conventionnelle, parce que selon les propos de Marie-Christine Perras qui a écrit l'article, eh bien, c'était une espèce de soirée, ça évoquait une soirée dans l'enceinte Quétaine, où le public. Elle dit le mot Quétaine. Oui, non, c'est voulu, je pense. Oui, oui, oui. Oui, donc la soirée dansante quétaine où le public est invité à danser ou à faire le train au son des grands succès des années 80. Wow! Donc, ça, cette ambiance-là un peu monon, si je peux dire ouais, ça comme c'est ça. Ça. Et on retourne en art visuel avec un vernissage qui avait lieu au Centre culturel Pauline Julien et le côté obscur de Cindy Lou. Oui, exactement. Donc, Cindy Lou, qui est une étudiante au baccalauréat en art visuel, mais qui aurait pris un petit break pour pouvoir se consacrer entièrement à son art. Mm-hmm. Donc, ça donnait aussi... Puis, il y avait également aussi Les Folles du Roi. Ça, c'est un groupe de chanteuses qui a été invité par Cindy Lou. Donc, c'était peinture et chanson. Oh! Et on termine les arts et spectacles avec la chronique d'Alassania Kouyi, chronique d'une citoyenne du monde. Et cette fois-ci, c'est l'art face à la guerre. Oui, exactement. Donc, elle explique que oui, il y a des vies humaines qui sont déchirées aussi, mais faut pas oublier aussi qu'il y a du patrimoine qui date de plusieurs siècles qui sont détruits aussi. Le patrimoine, souvent, ben, c'est ce qui définit aussi l'humain, mm-hmm. en tant que tel, la société aussi, mais également au niveau tourisme, parce que oui, tu peux couper des vivres, mais tu coupes le tourisme, tu peux mettre dans la... Je dirais pas quoi le mot. Ouais, exactement, des populations. Et là, elle parle justement de Daesh qui a détruit beaucoup, beaucoup de patrimoine, mais elle explique aussi que ça date pas d'hier aussi, que ça date des siècles et des siècles. Donc, c'est pas la première fois que des groupes armés décident de détruire le patrimoine en guise de représailles. Ouais. Voilà pour les arts et spectacles. Et sur une autre note complètement ailleurs, c'est les sports, Tania. Ok, oui, les Patriotes volleyball, ça va quand même très bien pour eux. C'est Marc-Olivier Dumas qui nous revient avec une autre fin de semaine parfaite. Oui, exactement, parce que la fin de semaine du 20 et du 21 janvier, il y a eu l'équipe de volleyball de l'UQTR, en fait des Patriotes de l'UQTR, il y a eu 3 matchs et l'équipe, en fait c'est volleyball féminin, mm-hmm. L'équipe a gagné les 3 matchs. Donc, ce qui leur permet d'être classé numéro 1 dans la division 2, parce qu'il y a comme 2 divisions dans, mm-hmm. Dans le volleyball universitaire et ça leur permet d'être au top. On aime ça. Oui. Du côté des Patriotes soccer, c'était le coup d'envoi de la saison hiver 2017. Oui, ça, c'est un peu plus mitigé parce qu'il y a eu 2 fins de semaine d'affilée où c'est que les soccer féminins et masculins, parce qu'on a 2 équipes de soccer à l'UQTR, mm-hmm. Chapeautées par les Patriotes. La première fin de semaine, ça s'est bien passé parce que autant chez les filles que chez les gars, il y a eu les Patriotes ont fait des blanchissages. Donc, que ce soit 2-0, 3-0, mais là, en fin de semaine dernière, ça s'est moins bien passé. Pour les gars, c'était en fait une défaite de 2-0, mais pour les filles, c'est 4-0. Oui. Donc là, c'est comme le retour du balancier. Ben, l'UQAM, en fait, on a perdu contre les Citadins. L'UQAM, c'est une équipe très, très, très forte. Trop bon. Ouais, ouais, excellent, mettons. Là, ça fait une couple d'années qu'ils gagnent le championnat. Mais là, finalement, je l'ai précisé parce que j'ai dit que les Patriotes, la semaine dernière, ils ont fait du blanchage, mais c'est seulement fait pour l'équipe des filles. Pour l'équipe des gars, c'était 5-2. Oui, exactement. Étienne Lebel Michaud, lui, nous parle d'une athlète en particulier. On parle de Myriam Desbiens, une succession de succès. Oui, Myriam Desbiens qui s'illustre dans l'équipe de volleyball. Donc, elle explique son parcours et c'est vraiment un très beau parcours. Elle a participé notamment à toutes sortes de compétitions et là, elle fait partie, elle a fait partie des élans de les élans de Cégep Garneau et ça, c'est vraiment réputé pour les volleyballs parce que ça gagne pas la médaille d'or, ça gagne la médaille de bronze, ça gagne pas la médaille de bronze, ça gagne la médaille d'argent. Donc, une équipe que si elle se retrouve au quatrième rang, c'est un échec total. Ouais. Donc, Myriam, déjà, avant d'aller dans l'équipe de volleyball des Patriotes, elle était déjà dans la crème des joueuses de volleyball au niveau collégial. On adore ça. Du côté des cheerleaders aussi, on va jaser de eux un petit peu dans Zone Campus cette semaine. On parle d'une deuxième place pour les Patriotes. Oui, donc une deuxième place pour cette compétition-là qui a eu lieu samedi dernier. C'est une place dont l'équipe est relativement contente parce qu'il y a eu quand même une blessée, donc il a fallu tout changer à la dernière minute la chorégraphie. Mais par contre, l'entraîneur, l'entraîneuse Pamela Caron se demande, est très très ambitieuse parce qu'elle dit la prochaine fois, on ne veut pas avoir de second rang, on veut toujours être au premier rang. Donc c'est une équipe très très ambitieuse, c'est très bon à voir. D'ailleurs, la première compétition qui a lieu en fin novembre, début décembre justement, ils ont été numéro un parce que l'équipe de volleyball n'est pas si, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle existe, pas de volleyball mais de cheerleading. L'équipe de cheerleading, ça fait quelques années seulement qu'elle existe, c'est vraiment... Elle est très, très compétitive, donc ça a été un très beau développement. C'est très beau à voir. OK, oui, tout à fait. Côté natation, plusieurs bons résultats aussi. Oui, exactement. C'est sûr que, malheureusement, l'équipe de natation n'a pas été dans le podium en tant que telle, en fait, je dirais, dans les derniers rangs. Mais par contre, il y a deux athlètes qui se sont illustrés, notamment Raphaël Roberge et Gabriel Cyr. Les deux ont raté de très peu le podium. Mais par contre, elles vont pouvoir faire la compétition la compétition provinciale, mais malheureusement, il n'y a aucun Patriote nageur qui va se retrouver dans la compétition canadienne. Tout à fait, et ils étaient 869 partisans pour venir voir les Patriotes la semaine dernière. Une ambiance enflammée qui donne des ailes. Oui, exactement. Il y a tellement eu des ailes qu'il a fallu qu'on déménage d'aréna. Donc, on est passé du Colisée de l'UQTR à... Moi aussi, je suis capable de faire des jeux de mots douteux. Oui, mais on l'a à peine vu passer. Moi. Oui, ça... donc une blague qui a pris son envolée, mais bref. Oh! Oh! Donc, ça a eu lieu justement mercredi dernier. Et mercredi dernier, c'était dans le cœur du carnaval, justement. Mm-hmm. Et là, il y a eu du monde trop enthousiaste. D'ITR, on l'a dit hier. Donc, ouais. Tellement de monde enthousiaste qui ont brisé la baie vitrée. Ouais. Donc, il a fallu pour ça déménager au Colisée, en fait, à l'aréna. Claude, j'appelle ça toujours Claude Mongrain. Mais, c'est ça. Ben oui, j'ai toujours peur de me tromper, mais c'est l'aréna Claude Mongrain qui n'était pas si loin que ça. Mm-hmm. Non, en effet. Donc, finalement, ça a quand même été une bonne chose parce que les Patriotes ont gagné 5-2 contre les Singers. OK, oui, et on parle toujours des Patriotes hockey. On a réussi à mettre la main sur un point malgré 7 joueurs en moins. Oui, parce qu'il y en a 6 qui sont perso au Kazakhstan pour les universiades. Mm-hmm. Donc, c'est un gros, gros tournoi mondial de hockey universitaire. Donc, il y a 6 joueurs, puis je pense qu'il y a un blessé aussi là-dedans, je me trompe pas. Je me souviens pas. Tout ce que je me souviens, c'est qu'hier, le Canada a gagné son premier match contre les États-Unis, hey, 6-0. Oui, oh! Donc ça, c'est un peu comme les Jeux olympiques, mais pour les hockeyeurs universitaires. Ouais. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu 6 joueurs en moins. Donc, 6 qui sont Kazakhstan. C'est l'Azerbaïdjan. Ah oui, pour vrai? Non, c'est le Kazakhstan, mais ça, c'est dans le même coin. Tu l'as pratiqué en disant Azerbaïdjan. Oui, exactement, au lieu de dire Kazakhstan. Donc, c'est pour ça. Puis, ce qui fait en sorte que finalement, ça s'est quand même bien passé. Une défaite de 3-2, mais c'est pas une défaite puissante. Très proche, oui, oui. Ben non, en effet. On parle aussi d'un organisme, on parle des philanthropes Marché au suivant. Oui, exactement, parce que c'est l'initiative de Véronique Germain qui souhaitait justement sortir de l'isolement et elle se dit, ben, pourquoi pas fonder un mouvement de marcheurs pour justement briser l'isolement, créer un esprit de communauté et... le mouvement a tellement pris de l'ampleur que le groupe qui s'appelait le groupe des marcheurs philanthropes s'appelle tout simplement les philanthropes parce que le groupe ne fait pas seulement des activités de marche, mais aussi des cafés rencontres notamment. Puis jusqu'à tout récemment, il y avait l'organisme tenait une espèce de marché aux puces de vêtements, mais malheureusement, faute de temps et de subventions, le projet doit être annulé, malheureusement. Ça arrive, ça arrive. Chronique en échappée, ce qui met fin à la section sport, c'est Vincent Boisvert qui nous parle des Patriotes hockey, le fan fantôme. Oui, parce que Vincent déplore l'absence des partisans. Donc là où on a dit que pour le match carnaval des Patriotes hockey, il y a eu quasiment 900 personnes, mais par contre, généralement, oui, pour les Patriotes hockey, ça va bien. On peut atteindre 300, 500 personnes quand ça va bien. Les grandes soirées, mais pour les autres sports, c'est un peu plus difficile. Il dit même, en fait, là, c'est sûr qu'il en met beaucoup, mais Vincent explique que, en fait, je pense même pas, parce qu'au soccer, ça a l'air que les gradins sont constamment vides. Ça dépend, honnêtement. Du côté intérieur, oui, c'est vraiment beaucoup plus vide que du côté extérieur. En fin de saison, l'année passée, on a quand même eu quelques partisans parce qu'on était soit premier ou deuxième, donc on avait une belle rivalité contre les deux équipes. Mais en temps normal, c'est très, très vide du côté du soccer. Il déplore justement l'absence et encourage justement les étudiants à participer en tant que spectateurs au match des Patriotes. Et voilà, c'est ce qui met fin. Premièrement à la section sport, mais aussi aux ondes campus. Eh oui, le volume 12 numéro 8 qui est en kiosque à partir de plus tard aujourd'hui, donc en ce mardi matin, et c'est toujours en kiosque pendant deux semaines moins un jour, donc jusqu'au 13 février prochain. Nouveau numéro à la Saint-Valentin. Oui. Un petit cœur de caché quelque part? En fait, le cœur spécial. Mais c'est un grand coup de cœur toute l'année, là, aux ondes campus, Mathieu. Ça. Chaque numéro est un numéro spécial, ben oui, on va dire. Dans nos cœurs. Donc, retrouvez ça sur zonecampus.ca, page Facebook Zone Campus. David Ferron, rédacteur en chef, merci beaucoup. Ben, merci de m'avoir invité. On écoute deux petites pièces qui vont accompagner ta chronique, deux pièces tirées de la section art et spectacle. Oui, pourquoi? D'abord, Karim Ouellet, parce qu'on en a parlé, c'était la tête d'affiche pour le spectacle qui a eu lieu au carnaval, d'ailleurs, qui était organisé par CFU 91.1 FM. Absolument, oui. Donc, c'était le spectacle de Karim Ouellet. Là, on va entendre L'amour est un monstre en collaboration avec Valère, qui dans le temps était Mister Valère. Oui. Oui. Et après ça, ce sera Cosmophone. Oui, exactement, parce que Catherine Laurent, qui était au Zenob avec son quintet. Oui, quintet. Merci, j'hésite toujours à dire quintet ouais, ou quintet. C'est ce que j'ai dit tantôt aussi, oui. Donc, Catherine Laurent, qui a donné un spectacle de jazz au Zenob dernièrement, fait partie du groupe Cosmophone. Oui. Mais on va commencer avec elle, je pense que ça va fitter plus. Donc, Cosmophone avec Les Artifices, tout de suite à Assemblage Requis. Merci, David. Bienvenue. émotions fortes. Le vent se lève, les courants se mêlent, le ciel s'emporte. Je le dis depuis toujours, je ne sais pas dire je t'aime. Dis-moi pourquoi mon amour, je retombe toujours en amour quand même. Quand même, on n'est-tu pas quand on s'aime. Pas dire je t'aime, dis-moi pourquoi mon amour, je retombe toujours en amour quand même, quand même, on ne suit pas quand on s'aime. L'amour est un monstre, Karim Ouellet et Valère. Ouellet. Oh que oui! Ouellet. Oh, j'adore cette chanson. Très bonne. Tellement ça. Du Valère avec du Karim Ouellet, c'est tout le temps excellent. Combo de feu! Combo de feu, voilà. Tu dis? Maintenant, justement, parlant de combo, on va réussir à manger quelque chose, peut-être en accompagnement pour votre déjeuner de plus tôt aujourd'hui. D'accord. C'est Son Foutu Palmarès. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. C'est la chronique qu'on utilise pour remplir un trou et juste le fait de jouer l'intro, on est déjà rendu à la fin de l'émission, c'est pas vrai. Donc, tu connais sûrement comme dessert les tartes, les croissants, les crème puffs. Pourquoi tu me fais ça? Les j'ai tartes. Pas encore déjeuné. Ah. Mais oui. Il y a tout plein d'autres pâtisseries à découvrir à travers le monde. Des fois, on utilise une base très simple comme de la farine, beurre, sucre, œufs, du shortening. Mais on peut créer plein de desserts vraiment copieux. Et si vous voulez augmenter votre vous voulez élargir vos horizons, si on veut. En voici une petite collection à travers le monde. Commençons en Allemagne avec le Franzbrötchen. Très populaire à Hambourg, dans d'autres parties du nord de l'Allemagne, le Franzbrötchen. C'est comme un croissant, c'est une pâtisserie en spirale faite avec du beurre et de la cannelle. Oh, miam. Les Allemands mangent souvent leur Franzbrötchen au déjeuner avec leur café matinal et des fois ajoutent des raisins secs. Oh. Miam! C'est beau, beau, beau à voir. Ensuite, l'article est sur assemblagerequis.com, bien sûr. On va en Inde pour les goulab jamun. Ben oui. Ouais, une pâtisserie glorieuse qui combine des boules de pâte frites avec du sirop sucré. Donc, c'est un peu comme des trous de beigne. C'est fait avec de la poudre de lait et de la farine de maïs. Et ensuite, c'est frit dans du ghee, G-H-E-E. Goulab jamun, qui est donc une grosse dose de sucre avec de la cardamome, de l'eau de rose et du safran qui ajoute quelques petites notes subtiles à la pâtisserie. Ensuite, on va à Cuba pour les pastelitos. Les Cubains et les Cubano-Américains à Miami connaissent très bien les pastelitos, similaires à des beignes avec de la confiture, la gelée à l'intérieur. La pâtisserie est souvent faite avec une pâte filo super floconneuse, là, croustillante, avec du guava et du fromage. Et des fois, ça va être des goûts un petit peu plus inhabituels ou vraiment plus qui donnent plus un punch, comme de l'ananas, de la noix de coco, du jambon et du crabe. Pastelitos. Wow. Ensuite, on va en Turquie pour les baklava. Tout le monde connaît les baklava, dessert traditionnel du Moyen-Orient. Donc, les baklava, c'est des couches de pistaches, pas hachées, là, mais des pilées, pas vraiment pilées, en miettes, genre des pistaches en miettes, et de la pâte filo sucrée. On peut mettre des noix, des pacanes, tout plein de miel, de beurre, de sucre. Et pour une vraie expérience turque, on devrait savourer les baklava avec, après un repas, pardon, en buvant du thé. Oh. J'aurais jamais pensé à boire du thé et prendre ça après, après le repas. Là, des fois, tu te remplis pas mal avec du... Ouais, mais un thé, c'est moins pire. C'est ça. Ensuite, on va en Italie pour les cannoli. Les cannoli qui ont débuté il y a plus de 1000 ans à Palermo, la capitale de la Sicile. Aujourd'hui, les Italiens aiment manger leur cannoli. En fait, c'est de la pâte frite. C'est une coquille de pâte frite. Et puis, ils goûtent à son remplissage sucré de ricotta. Et grâce aux Italo... Est-ce qu'on dit Italiano, Italo-Américain? Bref, qui font et qui vendent des cannoli. Bien, les gens sont familiers avec cette pâtisserie italienne décadente. Ensuite, on va en Israël pour les sufganiotes. C'est donc leur version des beignes, encore une fois, à la gelée ou confiture à l'intérieur. C'est des boules de pâte frites remplies de confiture ou de gelée. Et par-dessus, il y a du petit sucre en poudre. Une recette juive populaire partout dans le monde, surtout en décembre, où on les sert pendant l'Hanouka. Ensuite, toujours dans la liste des pâtisseries adorables et délicieuses de partout dans le monde, on va en Autriche pour la Linzertorte. Donc, c'est un beau travail de tricot, si on veut. Là. Tu sais, comment tu appelles ça? Comme du rotin, là, que ça passe par-dessus l'autre, là, comme tu fais un treillis, je pense. Un genre de treillis. Donc, sur la tarte, qui la rend donc instantanément reconnaissable. On dit que ça date du milieu des années 1600. Les gens à Linz, en Autriche, ont commencé à fabriquer ces tartes tortes en mettant des couches de pâte, oui, avec je crois que c'est des murs currant. Je suis pas sûr de celui-là. Attends un petit peu. Non, il me semble que black currant, raisin de Corinthe. Non, une sorte de raisin sec. Je crois pas non plus. Je suis sûr de ce que j'avance avant de dire n'importe quoi. Là. En français, s'il vous plaît. Le cassis, voilà. Groseillier noir ou du cassis. Aujourd'hui, on peut mettre plein d'autres choses, plein d'autres baies là-dedans, mais la pâte est faite avec du beurre et des noix. Mmh. Ensuite, on va en Iran pour les colompets. Ça vient de Kerman en Iran. Le colompet, c'est des tartes de la grosseur de biscuits fabriquées avec des dattes, des noix, de la cardamome, du safran et du sésame. Avant de faire cuire ces pâtisseries-là, les Iraniens vont les estampiller, les faire un petit pattern dessus avec un outil qu'on appelle colompet stamp. Et c'est avec le design sur le dessus de ces pâtisseries-là. C'est ce qu'on voit sur la photo, les petites lignes qui tournent de tous les sens. C'est pas fait à la main une par une, c'est un stamp. Ça a l'air tellement bon. Vraiment. Ensuite, on va en Suisse pour le Birnbrot. Ceux qui aiment les pêches vont adorer Birnbrot. Donc, c'est une pâtisserie suisse qui incorpore des fruits séchés, des épices et des noix. Le pain sucré est fait à partir d'une pâte ensuite remplie de pêches séchées, de pommes ou de figues séchées, des noix, des raisins, de la cannelle, clou de girofle et de la coriandre. Ah, miam, miam, miam. Ensuite, on va en Chine pour le mooncake. À chaque automne, le peuple chinois donc célèbre le festival de la mi-automne en se rassemblant pour voir la pleine lune et en donnant des mooncakes à leurs amis et leur famille, ce qui symbolise l'unité, donc le rassemblement des gens, être complet dans la vie. Donc, les pâtisseries sont rondes comme la lune, sucrées et remplies d'une pâte faite de grains de lotus, ça dit des red beans, j'imagine, je sais pas si c'est des fèves rouges ou encore des dattes. Et puis certains mooncakes cantonais contiennent aussi des œufs, des jaunes d'œufs salés de canard à l'intérieur. Oh! Étrange. Ensuite, on va en France pour le croque-en-bouche. Ah, ben oui, le croque-en-bouche. Oui, pour les mariages, les événements spéciaux en France. Si on voit une tour de dessert, c'est probablement un croque-en-bouche. Donc, une tour en forme de triangle ou de pyramide ou de cône, je dirais plus. C'est des profiteroles empilées, donc des crème puff, comme on appelle souvent, décorées avec du sucre caramélisé, super fancy, super élégant, super délicieux. nous dit cet article. Et pour terminer, on va à Hong Kong avec les pineapple buns, aussi appelés des bolobao. C'est donc c'est un petit peu croustillant sur le dessus, mâchouillant à l'intérieur, sucré et doux. Donc on dit qu'il n'y a pas d'ananas à l'intérieur, mais c'est plutôt la croûte de la pâte qui a une grille qui ressemble à un ananas. Donc il y a des petites lignes qui sont tracées sur le dessus. Donc ça fait ressembler à un ananas. Si vous n'êtes pas à Hong Kong, on peut sûrement la plupart du temps trouver des pineapple buns dans les pâtisseries chinoises traditionnelles. Voilà, l'article est sur assemblagerequis.com. Note de l'émission 10.59 si ça vous intéresse. C'était la liste des 12 pâtisseries délicieuses à travers le monde selon mentalfloss.com. Et on a réussi à remplir juste exactement le temps qu'il nous fallait pour terminer l'émission, donc c'est parfait. On se quitte là-dessus et on se retrouve demain. Merci à David Ferron pour sa chronique du Zone Campus. Merci à Véronique Mire pour sa Véroniclopédie. Demain, mercredi, à l'émission, on aura Sébastien Gartin, toujours à 7h30 pour sa chronique Bulletin Gartin. Ensuite, à 8h30, Xavier McClish va être là pour nous parler d'improvisation, on en a dans les coulisses de la Luître. Et finalement, à 9h, ce sera la chronique d'Alfalfa le Lutin. Ouh! C'est donc demain entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Plus tard sur nos ondes, à 10h, c'est le Mathieu Plante Show, on rappelle. Ensuite, à midi, c'est Connaître Ensemble, émission pour tout savoir sur la périnatalité. À 14h, Tania et moi serons de retour pour les Palmarès, c'est fou. Tu seras de retour. C'est pas là cette by semaine. Yourself. All by myself. Dommage, ouais, mais bon. Je suis désolé de représenter la station ailleurs. C'est ça, mais c'est bien correct, ça arrive une fois de temps en temps. T'en rates vraiment pas beaucoup d'émissions, donc je te le permets. Merci. À 19h, ce sera Réanimation, émission de métal et d'horreur. Et finalement, à 21h, Matière Noire pour du métal progressif. C'est la programmation d'aujourd'hui. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion, Facebook, Twitter, Instagram, Splash Face. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Blanc. À demain, 6h30. Bye, bon café. Oui. Et pâtisserie. Oh, que oui. Oh, oui.